C'était Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec It Girl. Il est 6h26. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, une bonne nuit et que vous allez passer une bonne journée. En tout cas, on va essayer de vous faire passer un bon réveil. Il y a Julie qui est là d'ailleurs en pleine forme. Hein. Oui, vraiment en pleine forme. Oui, en pleine forme puisque son ordinateur est tombé en panne. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas mis le courant, donc plus de batterie. Donc forcément, il s'éteint. C'est bizarre, dis donc. Il y avait encore 50% de batterie. Arrêtez de me prendre. Ah non, mais à ce moment-là, c'est que ta batterie elle est pétée alors. C'est-à-dire que si elle passe de 50 à 0. Je crois qu'il y a un petit souci, effectivement. Oui, il doit y avoir un problème. Donc, c'est plus une porte que je voulais me faire rembourser, c'est une batterie d'ordinateur. Et c'est déjà plus envisageable. Oui, je pense que je vais pouvoir me l'offrir. C'est déjà beaucoup plus facile à se faire rembourser, effectivement. Bon, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs ce week-end? N'hésitez pas à venir nous en parler sur le Facebook, par exemple, ou le Twitter de l'émission. Vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Vous êtes évidemment les bienvenus. Il y aura pas mal de sons également ce matin. On passera le son d'Avicii, ça c'est dans pas longtemps d'ailleurs. Avant 7h, on vous passera également Jim Glass Heroes. Il y aura aussi Enrique Iglesias, Kerry Hilson et puis tous vos messages aussi que vous pouvez envoyer si vous êtes témoin d'un problème sur la route. C'est l'infotrafic, on fera ça d'ici un petit quart d'heure. Là aussi 30-44 pour vous inscrire, n'hésitez pas. Nous aurons la ligne anti-relou évidemment, on fera chier du monde ce matin. Qui on fera chier d'ailleurs? Je sais pas, vous avez regardé le Téléthon? Non, j'ai pas regardé le Téléthon. Explication tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Non, je suis tombé sur TF1, c'était Miss France. Je me suis dit, oh là là, là je suis trop jeune pour mourir avec ça. Comment tu la trouves? J'ai pas encore vu parce que j'ai vu. Je la trouve rousse apparemment. Elle est rouquine, non? Non, c'est ce que j'ai vu sur internet. C'est une brune. Ouais, vite fait, enfin c'est brune avec des reflets quoi. Mais... Ah ouais, d'accord, oui, ok. C'est une rousse qui s'assume pas. Auburn alors. Oui, c'est ça. Non, je crois que c'est une brune qui s'assume pas. Ah peut-être aussi, oui, je sais pas. Enfin bref, mais je vais aller voir et puis comme ça on en parlera après. On va mettre les photos sur le blog. Ouais, puis après il y avait le Téléthon et puis enfin bon voilà, c'était dur quoi ce week-end. Voilà, quand même, mais le samedi soir chez vous c'est ambiance. Hein. Attends, et on s'est éclaté. Bah, attends, nous on regarde la télé, tout ça, tranquille, on regarde ce qui se passe. Moi j'étais avec mon GSM, j'envoyais des dons au Téléthon et tout. Ouais, c'est ça. Énorme. Bon, dites-nous ce que vous avez fait vous ce week-end justement et puis on aura aussi des billets d'avion à vous offrir. Hein, en plus cette semaine la billet d'avion direction. Pourquoi je reste chez moi? Parce que moi j'en gagne jamais des billets d'avion. Direction l'Europe entière, il faudra jouer à la devinette qui colle. C'est comme les autres semaines hein, où il y avait l'écran plat, sauf que cette semaine on vous met des billets d'avion. C'est quand même plus sympa. Hein. Ici, je bah pourrais tenter de participer bah si ouais, je ne travaillais là, pas ici. Mais, okay, mais malheureusement. Bah, si tu veux, ouais. Non, mais donc voilà, des billets d'avion à gagner. Alors rassurez-vous pour les dates, hein, c'est pas des dates bien précises, donc vous êtes pépère quand même à ce niveau-là. Mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler puisque c'est à l'occasion des 20 ans de fun qu'on fait d'ailleurs à Charleroi. On aura l'occasion de vous en reparler également. Il suffit d'écouter les pubs qui passent par exemple, mais vous serez les bienvenus pour fêter cet anniversaire avec nous. Le 17 décembre, on en reparlera, rassurez-vous. Voilà, 6h28 et attention, pour gagner vos billets d'avion, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Il suffit de nous envoyer un petit message au 6322 si vous avez la réponse à la devinette qui colle, la première de ce matin. En étant sur ses gardes, on y veille. Mm-hmm. Eh oui, en étant sur ses gardes, on y veille. Voilà, tu peux vous donner un petit indice Voilà, c'est donc la bonne réponse. Nous allons passer à une autre petite devinette. Arrête. Voilà, c'était le grain. Hein. Voilà. Arrête, voilà. Donc oubliez celle-là, on va passer à la deuxième. Hein. Pardon. Allez, hop là, deuxième question. Donc on y va. Toujours le premier, jamais le dernier. Sans rien, sans lui n'est jamais fini. Si vous avez la bonne, celle-là. C'est bah, tant mieux. Mettez-toi de toute façon. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Si vous avez la bonne réponse, petit indice donc, départ. Voilà. Dire synonyme aussi, voilà. Donc toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Petit indice, le départ. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner toute la semaine à l'occasion des 20 ans de fun qu'on fêtera à Charleroi. Donc bonne chance tout le monde. Et avant la faute Julie, dans un instant, si toutefois elle a récupéré son ordinateur, hein, sinon on va les improviser. Je me suis dit, c'est un moment. Ce sera Avicii avec Level, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Allez, c'est parti, un peu avant les autres, 6h29, l'info maintenant. Bonjour à tous, les négociateurs sont toujours réunis à la Fondation Roi Baudouin. On ne connaît donc toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prêter serment chez le roi aujourd'hui ou demain. Et si on devait justement voter demain, la NVA continue sa progression en Flandre tandis que le PS se maintient en Wallonie. C'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. Les deux grands gagnants et des élections de juin 2010, la NVA et le PS restent les favoris. Le grand perdant est le MR en Wallonie. Le PS est en tête, le MR est le deuxième parti sollicité par les Wallons, mais les libéraux subissent un recul. Écolo est aussi en recul. Le FN, lui, gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart De Wever a encore grimpé et reste le premier parti flamand. Il resterait donc incontestablement le premier à Bruxelles. Le PS reste numéro 1 dans la capitale. Le MR paierait cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Les trams sont perturbés à Bruxelles ce matin. Samedi soir, un tram de la ligne 55 à Schaerbeek a subi des tirs à balles réelles. Un incident de plus et surtout de trop pour les chauffeurs. Aujourd'hui, beaucoup se croisent les bras. La vente d'uniformes de police sera bientôt illégale. Les services juridiques de la police ont préparé un projet de loi destiné à interdire la vente d'uniformes. Ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur leur site, sur un site eBay. De cette manière, les vêtements pouvaient notamment tomber entre les mains de criminels. Justement, l'année passée, 549 personnes ont été dupées par des faux policiers. Un phénomène qui est d'ailleurs en augmentation. Le port de faux uniformes, je vous le rappelle, est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, le gouvernement italien de Mario Monti a adopté une cure anti-crise d'une rigueur draconienne pour tenter de mettre l'Italie à l'abri de la crise de la dette. Et puis en République démocratique du Congo, environ 3000 personnes redoutant les violences post-électorales ont traversé le fleuve Congo pour y rallier Brazzaville. Et puis enfin en sport, football en 16e journée de championnat. Dimanche aura été une journée de match nul. Anderlecht, Aude, Everley, Louvain 0-0, Standard, La Gantoise 0-0. Au classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de La Gantoise et du FC Bruges. Le Standard est quatrième. Et puis, une fois n'est pas coutume, un mot de hockey. Vainqueur 4-3 de l'Inde en finale du Champions Challenge de hockey. La Belgique jouera donc le Champions Trophy en 2012, réservé au top 8 mondial. Ah, et quand même, 6h32 sur Fun Radio. Dans un petit instant, on écoutera le son d'Avicii avec Level, ça c'est comme promis. Et puis, on va passer à la météo. Donc, quel temps après ce magnifique week-end dégueulasse? Eh bien, écoute, ça va pas être terrible. La matinée débutera sous les averses qui prendront sur les reliefs ardennais un caractère hivernal et de la grêle et de la pluie et neige mêlées seront possibles. Ça y est, on commence à entrer dans l'hiver là. Ah ouais, ça c'est clair. Alors, rafale de vent en prime, hein, température de 0 à 5 degrés ce matin, de 4 à 7 degrés cet après-midi. Demain, petite accalmie, mais température toujours aussi fraîche. D'accord. Bon, sinon, il y a Aurore qui m'a envoyé les photos sur le groupe Facebook. Là, vous pouvez voir d'ailleurs, hein, facebook.com/amicalofficiel de Miss Alsace, enfin Miss France maintenant. Ouais. Elle est pas terrible. Hein. Alors, bah écoute, elle est très classique. Ah ouais, ça c'est clair. Elle est France d'avant, quoi. Enfin bon, allez voir, vous nous donnez vos avis donc sur le Facebook, facebook.com/amicalofficiel. Bah, je compte sur vous. Allez hop, passons maintenant à l'info en plus à 6h33 sur Fun. Alors, on connaît ce débat depuis longtemps, les jeux vidéo, est-ce que c'est mauvais ou pas pour les jeunes, etc. Eh bien, une équipe de chercheurs de l'Indiana University School of Medicine, qui étudie les effets de la violence des médias depuis plus de 10 ans, eh bien, a présenté cette semaine les résultats de ses recherches. En fait, le cerveau de jeunes adultes ayant été confrontés à des jeux vidéo à caractère violent, eh bien, aurait changé de fonctionnement au bout d'une semaine seulement. Donc, ils ont fait leur étude sur 22 personnes âgées de 18 à 29 ans. Et alors, il y a une relation directe entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et la baisse de l'activité de certaines régions dans le cerveau, à laquelle justement sont attribuées les fonctions cognitives. Ça, c'est un peu compliqué. Et quand même émotionnel, ça tout le monde comprend. Ah ouais. Ce qui touche les émotions. Donc, après seulement une semaine de jeux vidéo violents, on vient les jeunes dans leur cerveau qui est modifié. Donc, je pense que ça peut un oui, petit ça peut être dangereux. Ça peut nourrir le fameux débat, est-ce que les jeux vidéo violents... Vous savez quoi offrir pour Noël et Saint-Nicolas, tout ça. Hein. J'ai plutôt envie de dire, vous savez, ne pas quoi offrir. Bon, 6h34 sur Fun Radio, bon réveil. C'est lundi le 5 décembre aujourd'hui et demain c'est... Saint-Nicolas. Pas du tout, c'est le jour où Julie va nous apporter à bouffer. Et ça, ça fait plaisir quand même, hein. Parce qu'elle va se déguiser en Saint-Nicolas, tu vas voir, elle va avec une barbe blanche et tout, ça va être au top. T'y crois? Bah ouais, et toi va être Père Fouettard. Et l'homme, il va être l'âne. Ah ouais, ça me ira bien. Ça, ça c'est une bonne idée. Puis moi, j'attendrai, je serai bien. Bon, allez, 6h34, c'est Avicii qu'on écoute maintenant. Levels sur Fun Radio, bonne matinée. 6h37 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Il y a, comme je vous le disais, des billets d'avion à gagner cette semaine, toute la semaine sur Fun Radio et toutes les heures, et c'est ça qui est fort, avec la petite devinette qui colle, hein, relativement... Allez, c'est vrai que celle-là est compliquée, la prochaine devrait être plus simple, mais c'est à voir. Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n'est jamais fini. Je vous avais donné un indice tout à l'heure, le départ, je peux vous donner un deuxième indice, c'est le seuil, par exemple. Voilà, donc je vous recommence, toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n'est jamais fini. Départ et seuil, ce sont les deux mots indices. Et alors j'en ai un troisième, c'est l'inverse De la fin. Voilà. L'inverse de la fin, ou alors la naissance, par exemple. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. La naissance est le... de la vie. Oh, c'est beau. Je suis un peu poète ce matin, comme c'est beau. Voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a des billets d'avion qui sont à gagner ce matin. 63-22, c'est un euro le message. Vous donnez la réponse, on vous rappelle, vous partez avec vos billets d'avion et vous vous barrez loin. Et c'est ça qui fait plaisir. Bon, on va parler de quoi là maintenant, Julie ? Eh bien, de Nicolas Bedos. Alors, d'accord. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire. Je sais que le Bedos. Bien sûr. En fait, absolument pas. Nicolas Bedos, donc c'est une sorte de. Je suis rien. Oui, bah excuse-moi, j'avais piscine ce week-end. Une sorte de d'humoriste hein, qui est quand même le fils de Guy Bedos. Et en fait, il avait été reçu sur une émission sur TF1 qui s'appelle Au Field de la Nuit. Ah oui, avec Michel Field. D'ailleurs, oui. Ça porte bien son nom, c'est quand même bien trouvé cette affaire. Et en fait, cette émission, pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, eh bien, des écrivains, des acteurs, etc. sont reçus et le public, ce sont des élèves en fait, d'une école. Et donc, les élèves peuvent poser une question. Et il y avait une jeune élève qui s'appelle Mathilde qui. Elle est bonne, Mathilde. Et qui lui a quand même dit, en parlant de son livre, je m'attendais à tout sauf à ça. Finalement, vous n'êtes qu'une figure de style, un essayiste. Plus sur la forme que sur le fond. Alors Nicolas Bedos, interloqué, lui a quand même répondu, elle peut me traiter de ce qu'elle veut, t'as une belle gueule mais t'es une connasse. Enfin, bon, il a quand même traité de pute. Ah ouais. Ouais, non, il a été il a un peu violent. Parce qu'il ouais. a dit, ouais, t'as une belle gueule comme toutes les jolies connasses qui veulent faire de la télé ou je sais pas quoi. Il lui a traité de pute, elle l'a répondu, je ne sais pas qui est la plus pute entre vous et moi. À la comme vous voyez. Hein. Oui, à ce moment-là, elle l'a vous voyez. C'est vrai. Très jolie Mathilde. Eh bien, Nicolas Bedos est en couple avec Mathilde. Oh, c'est bon ça. Il l'a déglingué. Il l'a un petit peu déglingué. Mais il a bien fait. Hein. Parce que c'est très jolie fille. Et ce qui était assez drôle, c'est que les gens sur le plateau en avaient parlé en disant oui, on pourra dire plus tard qu'on était là le jour où vous vous êtes rencontrés, parce qu'on a bien senti que malgré qu'ils se sont insultés, il y a un truc qui était passé. Ce qu'on peut comprendre. Mais c'est peut-être ça qui les a excités. Hein. Est très jolie. Donc Mathilde a 20 ans et elle sort maintenant avec Nicolas Bedos après l'avoir insulté sur un plateau télé. Mais moi, je l'ai vue. Elle est passée dans une autre émission après. C'est à vous. Ouais, c'est à vous. Parce qu'elle a refusé en fait toutes les interviews. Ah ouais. Elle a accepté que de passer dans C'est à vous sur France 5. Voilà. Et donc, moi, je regarde que pour Sublet. Hein. Très joli. Et donc elle est passée là-dedans. Et en fait après j'ai re-regardé l'émission de Field. Et en fait tu te rends compte que la meuf elle le clash, mais c'est juste pour attirer son attention quoi. Ah oui, comme à chaque fois hein, c'est comme à chaque fois ce genre d'émission. Moi je pense que dès le départ en fait elle voulait le serrer quoi. Bravo Mathilde. Bah, en tout cas elle a bien réussi, donc bien ça c'est joué. Le principal hein. Ça c'est le principal. 6h40 sur Fun Radio. Bon réveil dans un instant, c'est Gym Class Heroes qui arrive. On parlera également de l'infotrafic là, avant que vous partiez au boulot ou à l'école. Quel chemin éviter, quel chemin prendre, on en parle dans quelques instants sur Fun Radio. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un petit instant. Le temps d'écouter l'infotrafic avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes ? Prudence, accident dans l'échangeur 40 Ostende-Bruxelles avec le 17 Gand-Anvers à hauteur de Zeynarde en direction donc d'Anvers, bande de droite obstruée. Il y a des files à cet endroit. Et puis dans les environs d'Anvers, justement, les chutes de grelons réduisent la visibilité. Super. Soyez prudents, surtout adaptez votre vitesse. Et je vous rappelle que les chauffeurs de tram sont en grève ce matin à Bruxelles. Voilà, donc bon courage si vous jamais. Vous prenez la route. Bon, devinette qui colle. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Un disque qu'on a donné tout à l'heure, départ ou encore seuil. Et je vous avais également dit l'inverse de la fin. Et c'est le... de la vie. Voilà. Mais oui, mais c'est beau. Mais je sais que c'est très beau. C'est comme ça, à force, tu vas encore donner la réponse. Oui, je sais, probablement. Mais c'est parce que je suis trop bon. Oh oui, bon, c'est ça, bien sûr. On proposait l'arrivée. Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est même plutôt l'inverse, en fait, au final. Donc, si vous avez la bonne réponse, hein, 63-22, on proposait le commencement. Bah, c'est, on va dire, un synonyme, mais c'est pas ce qu'on cherche. L'arrivée, bah non. Le départ, c'est aussi un synonyme, mais c'est pas vraiment ça qu'on cherche non plus. Donc, bonne chance, tout le monde. On va s'écouter le son de Gym Class Heroes maintenant avec Adam Levine, Stereo Earth, et envoyer la bonne réponse. Au 63-22, 1 euro le message. Des billets d'avion sont à gagner rien que pour vous. On parlera bien évidemment tout à l'heure de Confessions Intimes qui a un bel anniversaire quand même. On en parlera, restez bien là. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Mais vous le savez, il y a la ligne anti-relou sur Fun Radio et en exclusivité sur Fun Radio le matin entre 6h et 9h30 avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur le répondeur, en tout cas ce week-end. Et forcément, qui dit week-end dit deux jours, dit effectivement dossier, car les gens forcément bourrés, méchés, forcément sont encore plus relous que d'habitude. Car le relou bourré est encore pire que le relou pas bourré, hein, faut le savoir. C'est clair. C'est très dangereux de se promener comme ça, seul. Mm-hmm. Dans une discothèque, dans un bar, dans un restaurant avec des amis. Tu penses à des vieux souvenirs en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Je pense à Toff quand il se balade dans les discothèques. Oui, ça simplement. C'est malheureusement. Je pense qu'il fait tout. C'est lui qui fait beaucoup marcher la ligne anti-relou. Ça, c'est clair. Tout ça, c'est un peu grâce à lui. Complètement même. 0473 86 0013. Numéro à retenir car c'est le numéro qui peut vous sauver, qui peut sauver une soirée puisque vous allez pouvoir le donner à tous les relous qui viennent vous draguer justement. Écoutez le premier message. Oui, coucou. Bah oui, mais tu ne décroches pas. Ah oui. Je t'ai envoyé un message, tu devais te sonner. Ah. Un ami de l'OB. Ça va pas bon de nuit, alors. Une autre fois. Oui, ou pas, hein. J'aime bien le petit blanc qu'il y a eu. Bon, bah. Bah bonne nuit alors. Bah oui, à une autre fois. Mais à mon avis, c'est pas gagné, mais enfin bon, on va voir. Allez, message suivant. Oui Nicolas, salut, c'est Fanny, ta voisine du dessous. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un problème, j'ai oublié mes clés à l'intérieur de mon appart. Je voulais savoir si tu aurais le numéro de portable du propriétaire parce que moi j'arrive pas à joindre sur le fixe. Voilà, merci beaucoup. Quel bon plan ça. Oh, c'est très sympa ça. Oui, c'est ça, mais au final on a bien senti hein, dans sa voix qu'elle avait envie de monter, de passer la nuit chez le voisin là. Hein. Ouais. Mais j'ai oublié mes clés à l'intérieur, est-ce que je pourrais venir s'il te plaît? Je te remercierai comme il se doit. Hein, ne t'inquiète pas pour ça. Bon là je suis pute hein, parce qu'en fait elle n'a jamais rien dit, mais enfin j'imagine que. Allez, troisième et dernier message. Bonjour, voilà, je me permets de vous appeler parce que j'ai trouvé ce numéro de téléphone dans la poche de mon mari. C'est une petite salope. Je te jure qu'un jour ou l'autre, je te trouverai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. Un jour ou l'autre, je te trouverai. Je te promets que je te ferai la paix. Ciao. Oh, il était bon celui-là. Ah, celui-là était bon. Celui-là, c'était le caviar de la vie anti-relou, je pense. Direct dans le top 3, ouais. Ah ouais. Petite salade, je te retrouverai. Je te retrouverai, tu verras. Donc, le mari s'est quand même fait doublement avoir. Hein. Premièrement, une fille lui a filé le numéro de la vie anti-relou. Puis, deuxièmement, ce numéro a été trouvé par sa femme. Donc, en plus, donc, voilà, elle a tout gagné pour le coup. Ah ouais, 6h50 sur Fun Radio. Dans un instant, on va appeler des gens par rapport au Téléthon. Donc, pour faire chier le monde, vous allez voir. Et puis, en attendant, c'est Enrique Iglesias qu'on écoute avec Pitbull. I like how it feels. C'est Fun Radio à l'instant avec le son justement d'Enrique Iglesias. 6h53, il y a Kerry Hilson qui va arriver d'ici quelques instants. Et c'est quoi le réveil du jour aujourd'hui, Toff? Bah, je suis sûr que vous avez tous regardé le Téléthon. Ah bah oui, mais évidemment, le samedi soir, je n'avais que ça à faire, tu penses bien. Justement, et donc, non. Et donc du coup, vous avez raté ce très grand moment. Bah, sûrement. Elodie, tu as de beaux yeux, tu sais. C'est très gentil, merci. Ouais, merci. Veux-tu m'épouser? Je t'avais dit que tu vas trop vite. Ouais, je le sais. Tu vas trop vite. Allez, on y va tout de suite. Je suis déjà mariée, mais. C'est pas grave. On va s'arranger. Je suis d'accord pour la polygamie. Ça ne me dérange pas. Ah, il est au taquet, lui. Ce mec est incroyable. Tu es extraordinaire. Vraiment. Alors, applaudissements pour Mathias et Elodie. Merci à eux. Mathias, tu sais quoi? Ah oui. Ouais. Hey, Mathias, mais qu'est-ce que tu fais là? On s'embrasse, excuse-moi. Bah oui, mais faites-vous plaisir. Ah ouais, ça va, il s'est fait plaisir. Donc maintenant que j'ai vu ça, je me suis dit que si lui il peut serrer Elodie Gossuin, y a pas de raison que j'y arrive pas. Non, c'est vrai. Bon, on appelle qui, Elodie Gossuin? Non, j'aurais aimé, mais j'ai pas son numéro. Ah, dommage. Non, mais alors, ça ne sert à rien. Donc on va juste appeler une meuf et je vais la demander en mariage. L'autre chose maintenant. Comme ça, par hasard. Ouais. Bah, comme ça. Ouais, je me dis, il y a des choses qu'on peut faire et je vais faire ça. Eh bah écoute, on y va. D'accord. Alors c'est parti, on appelle et c'est parti alors. Ah, Julie, ton téléphone sonne. Donc ils sont là, on va à Villance. Ça dort encore. Ah oui, ça pionce là. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Allô? Allô? Allô? C'est très dur. Allô, vous êtes là? Oui. Oui, moi aussi je suis là. J'attendais, je n'entends pas. Oh, mais qu'est-ce que vous n'entendez pas? Oui, ben j'arrive tout de suite. Oui. Elle arrive où? Elle veut mettre son sonotone. Ah. Je ne sais pas, Ah merde, elle a raccroché. Attends, on va la rappeler, Elle a fait une mauvaise manipulation. Attends, hop là. Fou, mais tu prends aussi les plus de Nantes. Ah ouais. Ça ne te dérange pas. Attends, on fait au hasard. On retourne à Villance. Oui, allô. Oui, allô, bonjour madame. Oui. Oui, vous m'entendez? Non, je ne vous entends pas. D'accord. Alors, je n'entends pas. Oui. Allô. Vous m'entendez? Allô. Oui, je suis là. Allô. Je suis là. Allô. Oui. C'est qui là? C'est Toff. Je n'entends pas du tout. C'est Toff, est-ce que vous voulez m'épouser? Comment? Est-ce que vous voulez m'épouser? C'est très dur. Je ne comprends pas du tout. Est-ce que vous voulez vous marier avec moi? Comment? Est-ce que vous voulez vous marier avec moi? J'entends rien. Est-ce que vous voulez m'épouser? Allô, ça va pas, hein? Ah, vous avez compris? Non, je n'entends pas. J'entends des mouvements, mais je ne comprends pas du tout. Est-ce que vous voulez m'épouser? Oui, non. Oh. Je n'entends rien. Oh là là là là. Est-ce que vous voulez être ma femme? Non, je ne vois rien du tout, je ne sais rien. Je ne comprends pas du tout. Bon bah. Voilà, je pense qu'il y a un moment où vous pouvez repartir. Hein. Bon bah. C'est raté, hein. En même temps, vaut mieux, là. Je ne vous comprends pas. Ouais, en même temps, vaut peut-être mieux, effectivement. 6h57 sur Fun Radio, on appellera d'autres personnes tout à l'heure, hein, puisque Top veut se marier. Donc voilà une bonne nouvelle, tiens. L'info de Julie arrive et Kerylson maintenant et Nelly, c'est Lose Control. Dans un instant sur Fun Radio, on vous remboursera vos factures comme chaque matin à 7h10. Restez bien là, on vous appellera en direct pour vous rembourser les factures, les lourdes factures de week-end. Donc si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, vous envoyez votre message au 6322, c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec un remboursement intégral d'une facture. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Et puis côté musique, ce qui arrive dans un instant, Lady Gaga, Marry the Night. À la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio. Dans un instant, on fera un tour aussi nouveau du côté de l'énigme pour vous faire repartir avec vos billets d'avion. Mais avant cela, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Les négociateurs sont toujours réunis à la Fondation Roi Baudouin. On ne connaît toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prester serment chez le roi aujourd'hui ou demain. Et si on devait voter demain justement, eh bien la NVA continue sa progression en Flandre, tandis que le PS se maintient en Wallonie alors que le MR perd des plumes. C'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. En Wallonie, le PS est en tête. Le MR est le deuxième parti sollicité par les Wallons, mais les libéraux subissent un recul. Le FN, lui, gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart De Wever a encore grimpé et reste le premier parti flamand. À Bruxelles, le PS reste numéro 1 dans la capitale. Le MR, lui, paye cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Pas de tram à Bruxelles ce matin. Les conducteurs de la STIB sont en grève suite à un nouvel incident qui a touché la ligne 55 à Schaerbeek samedi soir. Un tram a été la cible d'un tir à balles réelles. La vitre latérale de la cabine du conducteur a volé en éclats. Personne n'a été blessé. Mais pour les chauffeurs, trop, c'est trop. Cette ligne est constamment la cible d'agression de ce type depuis plusieurs mois. La direction de la STIB a décidé de dévier la ligne pour l'instant. La vente d'uniformes de police sera bientôt illégale. Les services juridiques de la police ont préparé un projet de loi. Ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur le site eBay. De cette manière, les vêtements pouvaient notamment tomber entre les mains de criminels. Justement, l'an passé, 549 personnes ont été dupées par de faux policiers. Ce phénomène est d'ailleurs en augmentation. Et puis je vous rappelle que le port d'un faux uniforme est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, l'annonce de l'adoption par l'Italie d'un plan de rigueur draconien a été marquée par une série d'événements insolites. Une ministre a fondu en larmes en annonçant des sacrifices pour les retraités et le Premier ministre Mario Monti a annoncé qu'il renonçait à son salaire. Et puis enfin en sport, football en 16e journée de championnat, eh bien dimanche aura été la journée des matchs nuls. Anderlecht, Eau Eberle, Louvain 0-0, Standard, la Gantoise 0-0 également. Au classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de la Gantoise et du FC Bruges. Le Standard est quatrième et puis une fois n'est pas coutume, un mot de hockey. Vainqueur 4-3 de l'Inde en finale du Champions Challenge de hockey, la Belgique jouera les Champions Trophy en 2012, réservé attention au top 8 mondial. Il est 7h03 sur Fun Radio, le remboursement de vos factures c'est dans à peu près 5 minutes et si vous ne savez pas comment ça se passe, eh bien je vais vous l'expliquer d'ici quelques instants. Avant cela, faisons un tour du côté de la météo. Quel temps pour aujourd'hui après ce magnifique week-end tout pourri qui est passé? Eh bien je n'ose pas trop te l'annoncer, mais la matinée débutera sous les averses qui prendront sur les reliefs ardennais. Ardennais, oh, y'a prendre un peu en accent comme tout ça. Tout à fait. Et bien donc, qui prendront sur les reliefs ardennais un caractère hivernal et de la grêle et de la pluie et de la neige mêlée seront possibles. Rafales de vent en prime. Température cet après-midi de 4 à 7 degrés. Demain, petite accalmie, mais température toujours aussi fraîche. Eh bah très bien. On vous explique dans un instant, dans un petit instant, dans 30 secondes, comment faire pour vous faire rembourser vos factures sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est lundi le 5 décembre ce matin et nous avons toujours donc le remboursement de vos factures en jeu car dans 3 minutes, juste après Lady Gaga, nous rembourserons vos factures comme chaque matin. Pour ce faire, un jeu d'enfant, vous envoyez votre message au 6322, vous le débutez par facture avec le montant et l'objet de la facture, c'est 1€ par message et puis nous on vous appelle d'ici quelques instants pour vous rembourser cash votre facture comme là 45€ pour Beliacom, 37€ pour l'internet, 15€ pour une recherche téléphone, qu'est-ce qu'il y a également, 100€ pour la redevance télé, il y a également 115€ pour un PV, 92€ pour un abonnement de fitness, c'est bien ça aussi le fitness, 150€ pour les poubelles, c'est Juliette, et vous, bah, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture dans quelques instants, on appelle en direct chez vous, si vous décrochez c'est gagné, vous faites tout simplement le 6322, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, bonne chance évidemment. Quelle est l'info en plus à 7h05? Alors est-ce que tu sais ce que c'est le Dagering. Ouais. Je ne vois pas, mais tu vas certainement m'expliquer. Eh bien, le dagering est un style de danse où les couples simulent l'acte sexuel dans diverses positions et au rythme de la musique. Et en fait, les Jamaïcains ont succombé au charme de cette danse érotique. Problème, cet engouement provoquerait une multiplication des fractures du pénis dans le pays. Sans déconner. Bah oui, forcément, on en a dans, tu veux, il y a un moment, ça peut casser. Hein. Faut faire attention avec ces conneries. Bah, beaucoup de couples semblent en effet s'adonner à cette danse dans la chambre à coucher avec des conséquences désastreuses. Les médecins jamaïcains ont été invités à émettre, attention, un avertissement sur les dangers du dagering. Le nombre de cas de pénis fracturés aurait en effet triplé l'année dernière. Donc voilà, c'est bon, gouvernement veut interdire les chansons et vidéos à caractère ouvertement sexuel aussi. Tu m'étonnes. Bah donc oui, voilà, ils ont raison. Hein. Le dagering qui fait des ravages. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, faites attention. Ouais. 7h06 sur Fun Radio, remboursement des factures. On fait ça dans 3 minutes, le temps d'écouter Lady Gaga maintenant avec Marry the Night sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio, exactement. Tous les matins, ça tombe sur Fun Radio. 7h10, 8h10, 9h10. On appelle en direct chez vous pour vous rembourser cash vos factures. Vous avez une facture, vous avez une grosse facture de ce week-end, un truc genre un gros resto, ou c'est un petit cadeau pour madame, ou je ne sais pas moi, un cadeau pour les enfants par exemple, hein, avec Saint-Nicolas qui arrive. Eh bien, vous pouvez nous envoyer cette facture et on vous la rembourse. Pour ce faire, 6322 par SMS, vous nous envoyez la facture, on vous appelle et si vous répondez correctement à la question, c'est-à-dire qui vous paye vos factures le matin, eh bien vous repartez avec le remboursement de cette facture. Comme là par exemple, 44€ pour un cadeau, un cadeau pour mon mari, chemise. Voilà, bah une chemise, hop, là c'est remboursé comme ça. 61€ pour internet. Qu'est-ce qu'il y a également, 106€ pour Luminus, 80€ pour le téléphone, pour Base. Qu'est-ce qu'il y a également, 20€ pour une recharge téléphone. Bon allez, c'est parti, on y va. Là c'est internet a priori qu'on rembourse. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si cette personne décroche, c'est gagné. On lui rembourse, cache sa facture. Enfin, s'il répond bien à la question, évidemment. Allez, allez. 37€, là. Petite somme, hein, en même temps, 7h10. Oh, mais c'est qu'on va pas rembourser, là. Oh. Dommage. Le 0. Jessica. Ah, on ne saura pas comment s'appelle le monsieur ou la madame, je ne sais pas, c'est dommage. Bon, allez, c'est pas très grave, on va laisser un petit message pour bien lui foutre la rage. Pas disponible actuellement. Pas de problème. Je vais laisser un message après le signal sonore. Pour terminer, raccrocher, allez, et appuyer sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Oui, merci. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Fun Radio, on t'appelait pour le remboursement de ta facture d'internet. Bah c'est dommage hein, que tu ne décroches pas, c'est quand même malheureux, ça sonné, et puis rien, c'est vraiment dommage. Bon bah du coup, on ne te remboursera pas ta facture, mais sache que tu peux rejouer avec nous quand tu le souhaites, il n'y a pas de problème. Et surtout, bonne nouvelle pour tous les autres, puisque vous allez pouvoir vous inscrire maintenant pour repartir également avec le remboursement de votre facture. 63-22, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, et comme le veut la règle, vu que ça n'a pas décroché maintenant qu'on n'a pas pu rembourser, on ne sélectionnera que ceux qui s'inscriront entre 7h10 et 8h10, comme ça vous aurez plus de chance, car sinon on sélectionne un peu n'importe qui. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde, dans un instant le rappel de la devinette qui colle également et le son des Cobra Starship qui arrive. Cobra Starship avec You Make Me Feel sur Fun Radio, restez sur Fun. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Fun Radio. L'horoscope. Oui, l'horoscope dans un instant, mais avant l'horoscope, il y a la devinette qui colle, c'est pour repartir avec des billets d'avion ce matin. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, c'est la suivante. Écoutez bien, toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Alors, comme on disait, c'est le début. Bah voilà, c'est la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, donc 63... Mais bah oui, mais j'avais pensé, je n'avais pas la réponse. Mais qui les bête. J'avais pensé à une devinette, enfin j'avais pensé à un indice, le début de la fin. En fait, il faudrait compter. Il faudrait compter le nombre de bonnes réponses que tu as déjà données depuis qu'on a commencé. C'est normal, je parle le plus, donc j'ai plus de chances de me tromper. Oh là là, voilà, ça compte pas, je l'avais pas la réponse. Bon bah voilà, maintenant vous avez la bonne réponse. Donc 63-22, il y a des billets d'avion à gagner. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses d'ici quelques instants. Mais non, je le fais pas exprès, je me suis trompé, ça arrive. Tu tireras au sort depuis le début. Ouais, c'est ça. Voilà, on fera ça comme ça. Bon, allez, l'horoscope maintenant. Excusez-moi, mais vous êtes qui, vous ? Voilà, je suis maître Peter, avocat dans le barreau d'Antwerp. Oui, et je peux faire quelque chose pour vous ? Il semblerait que vous exploitiez ici une étranger pour faire du travail dans le noir. Ah non, mais vous parlez doudou là. Mais non, il fait juste l'horoscope. Ah mais oui, mais il me faut lever quand même trois dents pour le faire hein. Moi, non je mais suis doudou, ça va, on se lève à la même heure que vous. Faut pas déconner quand même hein. Oui, peut-être, mais c'est pas raison pour faire de la pression sur de lui hein. Non mais on fait pas pression sur lui. Enfin, il faut quand même pas abuser. Bon, écoutez, on n'a pas la matinée, donc on va passer directement à l'horoscope. Je viendrai vous voir après, maître Peters. Mais vous voyez, vous êtes un peu dans l'autoritaire hein. Mais pas du tout, allez, l'horoscope, les béliers, doudou. Allez hop, on travaille. Oui, ah oui, alors, les béliers, mais si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Alors, bon, on va attraper le retard aujourd'hui quand même. Hein. Bon, les taureaux. Votre métier demande toute votre attention, mais cela ne doit pas vous prendre tout votre temps libre quand même. Les gémeaux. Attention, vous courez le risque de vous surmener. Les cancers. Ouh là là là là. Non, il n'y a pas de ouh là là là. Ouh là là, si je suis désolé. Non, je sens que ça va être bien. Ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Ah. Oui, faites preuve de patience, vous aurez peut-être plus de chance demain. Bon, les lions. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Les vierges. Les vierges, si vous continuez de vous surmener, pardon, je me suis trompé, les lions, ce n'était pas ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah les lions, allez-y. Oh là là, on n'a pas la journée, s'il vous plaît. Oui, alors, donc si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Voilà, très bien. Les vierges, donc ça c'est fait, les balances. La réussite ne vous tombe pas du ciel, mais le travail et les connaissances fondées en est la base. Bon, très bien, les scorpions. Vous avez oublié de faire un virement ? Cela pourrait vous causer des ennuis, même si vous ne le pensez pas. Les sagittaires. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger vos tâches. Les capricornes. Vous avez des nerfs d'acier et c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent. Les verseaux. Ne vous laissez pas provoquer aujourd'hui. Des collègues mènent des intrigues et tentent de vous affaiblir professionnellement. Et enfin les poissons. Vous avez vu, j'ai pas mis Discordi. Oui, c'est vrai, c'est bien, Dodo. Allez, les poissons. Dommage. Que ce soit sous le plan professionnel ou financier, tout ce que vous commencez est couronné de succès. Très bien, et bien voilà Doudou, on vous retrouve tout à l'heure et soyez à l'heure hein. Oui, d'accord. Bon, très bien. Allez, 7h19 sur Fun Radio. Dans un instant, nous parlerons de confessions intimes. Car oui, il s'est passé encore des choses à la télévision. À 7h20, on en parlera dans un instant. C'est Liki maintenant. C'est I Follow River sur Fun. 7h22 sur Fun Radio et Likili à l'instant, bon réveil, c'est lundi le 5 décembre ce matin, il y a Lucenzo et Donomar qui arrivent également d'ici quelques instants, l'info de Julie également, et puis vendredi c'était les 10 ans de Confessions Intimes, et oui, eh oui, 10 happy ans, birthday. Mais oui, happy birthday à Confessions Intimes, 10 ans d'insultes, 10 ans de psychodrame, mais 10 ans de plaisir pour nous, et forcément pour les 10 ans, bah, il y avait eu du très très lourd, évidemment, avec notamment Georges et Nicole qui, pour une fois, ne viennent pas du Nord, hein. Les hommes, c'est normal qu'ils dominent la femme. Hein. Ah bah c'est normal. Hein. Bien sûr, j'aimerais bien rencontrer ce cher monsieur. Il n'est pas macho du tout, effectivement, la preuve. Hein. Une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça? Ah, tu peux les promener un peu. Oui. Mais oui, tu peux les promener un peu, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais par contre, tu reviens me faire à bouffer. Hein. C'est ça, mais en fait, le problème, évidemment, c'est que Georges se laisse monter la tête par les collègues. Moi, si ma femme ne joue pas au boulot ou quoi, allez, tu prends la porte, hein, tu va faire de la couture, tu vas broder, tu fais du repassage. Elle fait comme elle veut. Moi, j'aime bien jouer au boulot, je vais jouer au boulot. Voilà, c'est ça les hommes. Julie, tu as compris? Tu as compris un petit peu comment ça va se passer à la maison là? Oui. Bientôt, tu vas voir. Hein. Bien compris. Oui. Bon, et quand il rentre du café, bah, c'est Karine Grandval, justement la psy de Confessions Intimes, qui l'attend. Et là, il est, bourré. Quand vous partez acheter des cigarettes à 4h et que vous rentrez à 22h et que vous passez pas un coup de fil pour lui dire là, je suis en train de faire ça, ne m'attends pas ou quoi que ce soit, je peux comprendre qu'elle le vise pas très bien. Vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais, mais je savais que. Chien, il y a tout. Donc il n'y a pas besoin que vous vous occupiez d'elle. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu monter. Eh oui. Oh. Oui, ça aurait été pas mal. C'est énorme. Faudrait écouter celui-là. Quand vous partez acheter des cigarettes à 4h et que vous rentrez à 22h et que vous passez pas un coup de fil pour lui dire là, je suis en train de faire ça, ne m'attends pas ou quoi que ce soit. Je peux comprendre qu'elle le vise pas très bien. Vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais, mais je savais que chien, il y a tout. Donc il y a pas besoin que vous vous occupiez d'elle. Non, non. Moi, c'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu monter. Oui, ça aurait été pas mal. Oui, ça aurait été pas mal, évidemment. Hein. Bon, allez, on va faire un petit jeu là. À vous de deviner ce qu'il y a entre Aurélie et Pascal. Écoutez. Elle t'apporte rien dans ta vie. Rien. Eh ben oui, c'est juste une amie. Elle fait pas exprès, mais elle fout la merde. C'est l'élément perturbateur dans notre couple. Voilà, donc qu'est-ce qu'il se passe justement entre Aurélie et Pascal? Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à nous le dire. 63-22, il y a des cadeaux pour vous, attention, on va pas se foutre de vous. Hein. Elle t'apporte rien dans ta vie. Rien. Eh ben oui, c'est juste une amie. Elle fait pas exprès, mais elle fout la merde. C'est l'élément perturbateur dans notre couple. Voilà, que se passe-t-il justement entre Aurélie et Pascal? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Et Lucenzo tout de suite. Et si vous aimez ce style de musique, ne loupez pas également le grand rendez-vous, l'Invasion Latina. C'est la seule émission sur le son latino de Fun Radio. C'est tous les vendredis entre minuit et 1h du mat avec Manu. Et puis nous avons Dédi qui est avec nous maintenant. Salut Dédi. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bien, vous. Eh ben ça va bien, Dédi. T'as 21 ans, t'appelles d'où toi? De Anse. De Anse, très bien. Et tu avais la réponse à la devinette qui colle. Alors attention, toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Qui est-il? Le Dédi. Ben oui, voilà, comme un idiot, oui, comme une idiote. Julie a donné la réponse. Oui, bien sûr, c'est de ma faute. Mais oui, c'est un scandale. C'est bien d'assumer tes erreurs, Mickaël. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben Dédi, c'est gagné, tu repars avec 2 billets d'avion. Sympa. Oui, eh bah cool, ouais, ça, t'as vu un peu, hein, tu vas partir avec la personne de ton choix, où tu veux en Europe, tout ça, on va t'expliquer comment ça va se passer, d'accord Dédi? Ah bah merci, c'est gentil. Bah avec plaisir. Tu veux pas en faire une petite? C'est drôle, Dédi. Je casse. Non, ça va aller. Bon bah gros bisous Dédi, je te renvoie au standard et puis on remet des billets d'avion. Bisous à toi aussi Dédi, on remet des billets d'avion en jeu d'ici quelques instants. Restez sur Fun Radio, on va revenir en direct avec vous toutes et vous tous, avec la réponse aussi à Confessions Intimes là. Que se passe-t-il dans leur couple? C'est quoi leur problème justement? Je vous le remets. Elle t'apporte rien dans ta vie, rien. Eh ben oui, c'est juste une amie. Elle fait pas exprès, mais elle fout la merde. C'est l'élément perturbateur dans notre couple. Voilà, donc si vous avez une idée, quel est le problème justement dans ce couple? C'est quoi l'élément perturbateur? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message, bonne chance. Il y a DJ Antoine qui arrive dans un instant aussi avec Sunlight. Et il y a également l'info de Julie, ça arrive dans 2 minutes. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, 7h31, c'est l'info maintenant avec Julie. Bon réveil tout le monde. Bonjour à tous, les négociateurs sont toujours réunis à la Fondation Roi Baudouin. Ils ont commencé les discussions hier à 17h30. On ne connaît donc toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prêter serment chez le roi aujourd'hui ou demain. Et si on devait voter justement demain, eh bien la NVA continue sa progression en Flandre tandis que le PS se maintient en Wallonie. Alors que le MR perd des plumes, c'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. Le grand perdant donc est le MR en Wallonie. En tout cas, le PS est donc en tête. Le MR est le deuxième parti sollicité par les Wallons, mais les libéraux subissent un recul. Le FN gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart De Wever a encore grimpé et reste le premier parti flamand. Et à Bruxelles, le PS reste numéro 1. Dans la capitale, le MR paye cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Pas de tram à Bruxelles ce matin. Les conducteurs de la STIB sont en grève suite à un nouvel incident qui a touché la ligne 55 à Schaerbeek samedi soir. Un tram a été la cible d'un tir à balles réelles. Personne n'a été blessé, mais pour les chauffeurs, trop. C'est trop. Cette ligne est constamment la cible d'agressions de ce type depuis plusieurs mois. La direction de la STIB a décidé de dévier la ligne pour l'instant. Seuls les trams du dépôt de Walluwe circulent ce matin. Plusieurs trams de la ligne 7 du dépôt d'Ixelles circulent aussi. Le mouvement touche aussi plusieurs bus du dépôt de Delta. La vente d'uniformes de police sera bientôt illégale. Les services juridiques de la police ont préparé un projet de loi. Ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur le site eBay. De cette manière, les vêtements peuvent tomber entre les mains de criminels. L'année passée, 549 personnes ont été dupées par des faux policiers. Ce phénomène est d'ailleurs en augmentation. Le port d'un faux uniforme est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, l'annonce de l'adoption par l'Italie d'un plan de rigueur draconien a été marquée par 2 événements. Une ministre a fondu en larmes en annonçant des sacrifices pour les retraités. Et puis le Premier ministre Mario Monti renonce à son salaire. Enfin, en sport, football, en 16e journée de championnat, dimanche aura été la journée des matchs nuls. Anderlecht Oude Heverlee Louvain 0-0. Standard La Gantoise 0-0 également. Au classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de La Gantoise et du FC Bruges. Le Standard à 4e. Et puis, une fois n'est pas coutume, un mot de hockey. Vainqueur 4-3 de l'Inde en finale des Champions Challenge du hockey. La Belgique jouera le Champions Trophy en 2012, réservé, tenez-vous bien, au top 8 mondial. Et on va dans quelques instants vous diffuser en exclusivité mondiale interplanétaire, puisque forcément, Julie en parlait du nouveau gouvernement, le nouvel hymne du gouvernement, justement. Donc restez bien là, ça risque d'être du lourd. D'abord, la météo qui va être bien lourde aussi, ça. Oui, bah alors la matinée débute. Bien chiante, ouais, hein, la matinée débute sous les averses qui prendront sur les reliefs ardennais un caractère hivernal. Donc grêle et pluie, neige mêlée. Quoi, c'est génial. Rafale de vent. Oh, j'en rêvais. Température ce matin de 0 à 5 degrés. Cet après-midi de 4 à 7 degrés. Demain, petite accalmie, mais température toujours aussi fraîche. C'est génial. Bah, tu as de m'égayer ma journée, là. Tu ris. Écoute, c'est toujours un plaisir. Ah, bah, vraiment, là, je ne sais comment te remercier. Oh, bah écoute, oh là là là là là là là là. Une augmentation, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est pas moi qui gère ça. Hein. Okay. Tu verras ça avec la personne au quatrième. Bon, 7h35, quelle est l'info en plus? Alors, je ne sais pas si tu es très jeux vidéo, toi, Mickaël. Ça dépend lesquels. Les jeux vidéo plutôt violents, tu sais. Ah non, tu moi j'aime bien. Moi j'aime bien non. Flight Simulator. Ah oui, donc rien à voir. Non, rien à voir. M'écraser, tout ça. Tu es forcément au courant de ce débat, les jeux vidéo, est-ce que c'est dangereux pour les jeunes qui y jouent, est-ce qu'ils peuvent devenir aussi violents? Déjà, quand j'étais tout petit, si tu veux, avec Pac-Man, les gens nous emmerdent en disant oui, c'est mauvais pour vous. Donc voilà, bien, en tout cas, le débat est toujours d'actualité car une équipe de chercheurs de l'Indiana, University School of Medicine, eh bien, a étudié les effets de la violence des médias depuis plus de 10 ans, donc elle s'y connaît un peu, hein, eh bien, a déclaré que les jeunes adultes ayant été confrontés à des jeux vidéo à caractère violent, eh bien, auraient changé de fonctionnement au bout d'une semaine seulement. Ah oui, quand même. Donc, ils ont fait leur étude sur 22 jeunes âgés de 18 à 29 ans. Et donc, ils ont démontré l'existence d'une relation directe entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et la baisse de l'activité de certaines régions dans le cerveau, notamment les régions des émotions. Donc forcément, ça ne peut que alimenter le fameux débat jeu vidéo violent. Eh bien, est-ce que c'est mauvais ou pas ? Oui. Oui, c'est très violent. Ça. Oui, c'est très violent. Hein. Ouh, bah attends, et surtout à la fin, quand il t'appelle gros, là. Mais... c'est très, très violent. Attends. Donc voilà, à réfléchir, à méditer, pour, ouais, surtout pour les cadeaux qui sont sous le sapin, ou pour Saint-Nicolas qui arrive demain, je ne sais pas. Moi, oui, c'est vrai. Je propose un bon GTA, il n'y a que ça de vrai. C'est clair. Le pire, c'est qu'on a quand même trouvé... Enfin, moi, j'ai trouvé ce jeu énorme à l'époque, Super Mario Bros. Et ouais, cette musique... Ah, mais c'est dur. C'est dur. Quand tu le réécoutes comme ça 10 ans plus tard, c'est dur. Ah ouais, c'est violent quand même. Allez, 7h37 sur Fun Radio. Dans ils un instant, foulés, on exclut. En fait. Non, c'est pas foulé, non. Dans un instant, on exclut Total, la nouvelle chanson du gouvernement. Ça va arriver après DJ Antoine et Tom Dice. Sunlight sur Fun Radio. C'est dommage, on aurait dû rester les Mario Bros. Attends. Ça peut faire un bon remix, tiens. Ouais, c'est pas mal. C'est horrible. On va plancher. Le son de DJ Antoine sur Fun Radio. Et oui, c'était Tom Dice également avec Sunlight. 7h39 et bon réveil tout le monde. Alors attention, dans un instant, je vais vous annoncer quel est justement le problème qu'il y a eu dans Confessions Intimes avec nos amis un peu perturbés là justement. Mais oui, on aimerait tous savoir, on attend avec impatience. Mais, ouais, mais je sais bien, on va faire ça d'ici quelques instants également. Et puis la nouvelle devinette qui colle également pour repartir avec vos billets d'avion destination n'importe où en Europe. Dieu sait qu'il y a du choix. Écoutez bien, voilà. Son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il ? Si vous avez la bonne réponse, il ne cesse d'augmenter d'ailleurs, un peu comme tout le reste, hein, mais bon, si vous avez la bonne réponse, bah quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 20 piges, il était à 13 francs. C'est pratique. Mmh. Bah aujourd'hui, il a bien augmenté. Hein. Donc, son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il ? La bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. C'est 1€ le message et vous repartirez avec vos billets d'avion, histoire de bien vous éclater pendant cet hiver, justement. Donc voilà. Bonne chance tout le monde. On prendra le gagnant d'ici quelques instants. Et avant cela, je vous en avais parlé en exclusivité totale. C'est donc maintenant la nouvelle chanson du gouvernement. Nouvel extrait de la chanson du gouvernement. Sur Eye of the Tiger. C'est parti, écoutez bien. Et voilà, c'était ça. Avec la longue intro. Ouais. Ah, bien longue, l'intro. Hein. Est-ce qu'il y a une blague de quelque chose ? Elle aurait pu être plus courte. Hein. Allez. Oui, d'accord. L'homme, pourquoi tu l'as pas enlevé ? J'aurais dû. Ah ouais, t'aurais dû, ouais. Ouais, c'est parti, après 500 jours, on a enfin au gouvernement les paroles, c'est parti. 1, 2, 3, 4 ! Oh là là là là, non mais l'homme, c'est une blague. Faut bien meubler. Bah oui, je te confirme. Bon allez. On y est, c'est pas possible. Je veux la faire en live. Et ben voilà, parce qu'en fait le problème n'est pas de l'angine, c'est qu'il a un chewing-gum en bouche. Donc forcément pour chanter c'est quand même très compliqué. Hein. J'ai très mal à la gorge, j'ai l'impression que... La suite arrivera tout à l'heure, rassurez-vous. Hein. Donc vous pouvez également vous foutre de sa gueule, n'hésitez pas à lui envoyer petit mail, hein, loeb@funradio.be, il n'y a pas de problème. Oh, quel talent! Quel talent! Retrouvez-le en concert près de chez vous, bientôt, à Verviers, à Arlon. C'était un bon message pour tous les jeunes, arrêtez la cigarette. Exactement, ouais. Je serai au festival du boudin ce week-end, samedi. Ah ouais, bah, tu peux y aller, hein, mon avis. Hein, dans tu peux toutes y aller. Salle des fêtes de maximum 5 personnes, c'est là. Ah bah, grand maximum alors. Hein. Allez, dans un instant, une vraie chanson, tiens, ça va nous changer. Jessie Kenny West, Why I Love You, ça va arriver sur Fun Radio, restez là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Et nous allons maintenant faire un petit tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Accident sur le 411 Bruxelles en direction de Namur, Luxembourg, à hauteur de Loyer. Le passage est difficile au kilomètre 58.6. Un camion et une voiture qui sont impliqués dans un accident. Et puis accident sur le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Léonard, en direction de Namur. Bande de droite qui est obstruée au kilomètre 22.3. Il y a formation évidemment de fil à cet endroit. Et puis accident sur le 17 Anvers en direction de Courtrai, à hauteur de Anvers-Linkeroever, en direction de Gand. Sortie partiellement obstruée. Bon, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, 3044 par SMS ou sur mon mail mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h-4, 8h-4 et 9h-4. Les meilleurs messages qui ont été laissés durant tout ce week-end, hein, sur justement la ligne anti-relou. C'est un jeu d'enfant pour laisser un message sur la ligne anti-relou. Il faut bien sûr être relou, donc en absolu, il faut pas le savoir. Mais surtout, il faut laisser le numéro de téléphone à tous les relous, les filles, les mecs. Ça peut être des mecs qui viennent de vous draguer. Ça peut être également des collègues de travail un petit peu relous, justement, votre patron, la police, bref, n'importe qui. Vous laissez ce numéro et normalement la personne devra vous lâcher la grappe juste après, puisqu'il sera content, il aura eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un numéro de téléphone en l'occurrence. Bah, il va croire que c'est le vôtre, justement. Allez, on écoute maintenant le premier message qui a été laissé ce week-end sur le numéro, le 0473 86 00 13. Écoutez. Dimitri, écoute, on a passé une excellente soirée et je t'appelais pour te dire que j'espère que par contre, pour le préservatif qui a cassé, que ça va pas recommencer parce que franchement, ça craint, j'ai trop peur. Bisous Dimitri. Ah bah oui, bah ce sont les choses qui arrivent, oh, effectivement, ça va, tu m'étonnes. Pas recommencer, non. Non, recommencer, si non. Je peux me permettre, non, recommencer, non. Bon, c'est la première et dernière fois. Cela dit, il a cassé, j'espère que t'es pas en cloque, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour retrouver le monsieur. Oui. Vu qu'il t'a donné ce numéro-là, c'est pas gagné non plus. Hein. Ouais. Bah bonne chance. Hein. Bon, 7h49, allez, message suivant. Oui, coucou. Coucou. Bah oui, mais tu ne décroches pas. Bah non. Oui. Je t'ai envoyé un message, tu devais te sonner. Oui. Ça va pas, bonne nuit, alors. Ah, ouais. Ah bah écoute, voilà. Et toi aussi. Ah bah une autre fois alors, à bientôt. Hein. Et une autre fois, oui. C'est pas gagné non plus, hein, cela dit au passage. Mais bon. Allez, message suivant. Oui, Nicolas, salut, c'est Fanny, ta voisine du dessous. Oui. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un problème, j'ai oublié mes clés à l'intérieur de mon appart. Je voulais savoir si tu aurais le numéro de portable du propriétaire, parce que moi, j'arrive pas à joindre sur le fixe. Voilà, merci beaucoup. Mais on a bien compris qu'elle voulait aller dormir chez le voisin, surtout, ouais. C'est ça. Est-ce que tu pourrais m'héberger, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me sens seule. Mais oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais m'aider? Il fait froid dans le couloir. Bien sûr. Non, mais sans déconner. Allez, retour tout à l'heure de la ligne anti-relou, 0473 86 00 13. On va encore dans un instant tenter de trouver la femme de la vie de Toff, puisqu'il veut se marier, et on va écouter Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson. C'est Why I Love You. Bon réveil sur Fun. 7h53 sur Fun Radio, DJ Joss arrive dans un instant, ce sera I Want You. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle, c'est pour repartir avec vos billets d'avion. On a déjà offert les premiers billets d'avion tout à l'heure, là on remet le couvert maintenant. Son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le dollar non plus, ce n'est pas un baril de pétrole, ce n'est pas un index, ce n'est donc pas le pétrole, ce n'est pas du carburant non plus. Et bon, à l'époque, voilà, il y a 20 ans, il était à 13 francs, même à 12 francs. C'était bien, ce n'était pas cher. Aujourd'hui, évidemment, il a bien augmenté. C'est vrai que vous auriez pu effectivement vous tromper avec le pétrole, avec cet indice-là, mais ce n'est pas le pétrole, bien évidemment. Il sert à communiquer. C'est vrai qu'il sert à communiquer. Ce n'est pas très rapide, mais il sert à communiquer, surtout quand ils ne sont pas en grève, ce qui arrive relativement rarement, évidemment. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22, c'est 1 euro le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner toute la semaine sur Fun Radio. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez bien là et puis bonne chance surtout. Bon, alors, Toff, on va faire chier du monde, hein, qui va m'emmerder. Ouais, donc je je vous l'ai fait passer tout à l'heure, Élodie Gossuin, elle a quand même... Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc, elle est, donc c'était le Téléthon ce week-end. Et ouais. Donc Élodie Gossuin a une très très belle déclaration d'amour et une demande en mariage. Et donc moi, aujourd'hui, ce matin, je veux faire pareil. Et donc Julie, ça fait maintenant presque 3 mois qu'on travaille ensemble. Oui. Et voilà, je voulais te déclarer mon amour et je voulais savoir si... Je voulais m'épouser. Oh, il se met à genoux, la honte. Oh là là, mal autre chose. Bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est une vraie bague au moins que tu lui offres là. C'est la pire bague de la fête foraine. Bah ouais, mais c'est l'attention qui compte, hein. C'est énorme. Tu sais que c'est la première fois qu'un homme se met à genoux devant moi. Ah, avec une bague. Attends, je le refais, Julie. Non, mais le. Julie, veux-tu m'épouser? Voilà. Mon cœur est pris, je suis désolée. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas ton cœur que je veux. Mon cul est pris aussi. Ah bah dis donc, alors là, quand t'as même. Vu, j'ai rien dit, c'est elle. Ouais, c'est vrai que c'est elle. Je me dis quasiment tous les matins, c'est bon, hein. Non, mais le pire, si tu veux, c'est que maintenant, dans sa tête, ad vitam aeternam, le premier mec qui leur a demandé en mariage, c'est toi. Et c'est ça qui est bon. Et ça, c'est avec très dur. Avec une bague en toque. Oui, bon, enfin, c'est pas grave. Vraiment accroché au truc. Oui, c'est pas grave. Voilà, t'as tout cassé. Bon, bah, y a l'op qui a filmé cette demande en mariage qui sera sur le blog sur amikael.fm. Vous allez pouvoir voir la première tôle de Toff. Bon, non, on va pas donc, la première, mais... on va appeler Aaron Berlou maintenant. Bah, ouais, appelons ailleurs. Hein. Bah, oui, puisque là, ça a été un échec. Allez, c'est parti, on y va. Appelons Aaron Berlou maintenant pour voir si ça se passe mieux là-bas. À mon avis, non, mais on verra. Allez. C'est ça la taille, la bague. Ouais, en plus, c'est ça qui est bien. Ma taille, oui. Bon, allez. Mais c'est quand ils veulent, en Berlou. Hein. Je ne sais pas où ça se trouve, en Berlou. Vous pouvez me dire, hein. 34. Dans les Ardennes, je crois. Hein, d'accord, ok, peut-être. Allô. Oui, bonjour, madame. Non, désolé, je suis sa fille. Très bien, c'est encore mieux. Quel âge avez-vous? 12 ans. Ah oui, non, c'est dommage. Bon, ben, passez-moi, maman. Bah, elle n'est pas là, en fait. Ah, elle n'est pas là. Et il n'y a personne de majeur à la maison? Bah, 17 ans, c'est bon. Ouais, c'est limite, mais je vais faire avec. Ok, je vais vous la passer. Alors. Merci. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Coralie. Bonjour, Coralie. Voilà, Coralie, je voulais vous le dire comme ça, de manière spontanée, mais je vous aime. Et ouais. Est-ce que vous voulez m'épouser, Coralie? Je suis désolée, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit partir à l'école dans 3 minutes. Oui, mais ça n'empêche pas de se marier. Bah non. Bah voilà, alors, est-ce qu'on peut se marier, Coralie? Non. Je suis très déçue, Coralie. Ah bah voilà, accrochage au nez, carrément. Bah voilà, deuxième échec d'affilée, là. C'est quand même très dur, là. Ouais, je suis très très déçu. Échecs dans la même demi-heure. Ah oui, ouais, là, c'est très très dur. C'est très très dur. Bon, il faut qu'on te trouve une femme. Ah ouais, mais ça va, on va y arriver, on va y arriver. Mais 7h57 oui. Sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à Confessions Intimes. On aura Nicolas pour donner cette réponse, justement. Et puis DJ Joss, maintenant, sur Fun Radio. 7h59 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Ce n'est pas le tabac pour la réponse à la devinette qui colle, hein. On en parle dans un instant en tout cas. Ce n'est pas non plus un télégramme, ce n'est pas non plus l'essence, ce n'est pas non plus l'or ni le dollar, on l'avait déjà dit tout à l'heure, hein. Donc si vous avez la bonne réponse, son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il? Voilà, il faut en général le coller pour que ça puisse fonctionner. Et puis cachet, etc. Faisant foi, bien entendu. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, sinon je vais encore donner la réponse. Si vous avez la bonne réponse, justement, des billets d'avion qui sont à la clé, 63, 22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde pour l'inscription. Et nous avons avec nous Nicolas. Salut Nico. Salut Michael. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah, ça va bien, ouais. Donc, toi, apparemment, tu as la réponse à Confessions Intimes. La question était la suivante. T'apportes rien dans ta vie? Rien? Eh ben oui, c'est juste une amie. Je le fais pas exprès, mais elle fout la merde. C'est l'élément perturbateur dans notre couple. Voilà, et donc on se demandait quel était l'élément perturbateur. Coupe ta radio s'il te plaît, Nicolas. Coupe. Dans la voiture, donc, ah d'accord, bah, c'est encore plus facile alors. Donc c'est quoi le problème, Nicolas? Bah c'était le tuning. Bah c'était le tuning, exactement. T'es obligé d'être sur la voiture. C'est ça que t'as fait? Non, t'es pas obligé. Toi t'es bien obligé de faire le ménage. Si t'es pas le ménage, la maison elle ressemble à rien. Ah bah voilà, à ce moment-là, avec une explication comme celle-là, évidemment, ça ne pouvait tomber que sous le sens. Bah ouais, faut que je m'occupe de la voiture, hein. Bah voilà, bah ouais, c'est normal. C'est comme ça, hein. Bon bah Nicolas, bravo à toi, c'est gagné. On va t'offrir la nouvelle tour Lenco spécial iPod ou iPhone ou lecteur MP3. On va t'offrir ça, y a pas de problème. Merci, vous êtes génial les gars, super. C'est gentil, merci à toi, merci Nicolas, à bientôt. Gros, ciao. Salut, à bientôt à Louvain-la-Neuve. Et puis nous on va revenir dans un instant sur Fun Radio avec le son de Rihanna. Le son de Rihanna et Calvin Harris, ce sera We Found Love. Et dans 30 secondes, c'est l'info qui arrive avec Julie. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h, un peu en retard, 8h02 même pour être précis. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les négociateurs sont toujours réunis à la Fondation Roi Baudouin. Ils ont commencé les discussions hier à 17h30. On ne connaît donc toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prêter serment chez le roi aujourd'hui ou demain. Et si on devait voter justement demain, eh bien la NVA continue sa progression en Flandre, tandis que le PS se maintient en Wallonie alors que le MR perd des plumes. C'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. En Wallonie, le PS est donc en tête. Le MR est le deuxième parti sollicité, mais les libéraux subissent un recul. Le FN, lui, gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart De Wever, la NVA, a encore grimpé et reste le premier parti flamand. Et à Bruxelles, le PS reste numéro 1 dans la capitale. Mais le MR paye cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Pas de tram à Bruxelles. Ce matin, les conducteurs de la STIB sont en grève suite à un nouvel incident qui a touché la ligne 55 à Skarbek samedi soir. Un tram a été la cible d'un tir à balles réelles. Personne n'a heureusement été blessé. Mais les chauffeurs, trop, c'est trop. Cette ligne est constamment la cible d'agression de ce type depuis plusieurs mois. La direction de la STIB a décidé de dévier la ligne pour l'instant. Seuls les trams du dépôt de Woluwe circulent ce matin. Plusieurs trams de la ligne 7 du dépôt d'Ixelles circulent aussi. Le mouvement touche aussi plusieurs bus du dépôt de Delta. L'année passée, 549 personnes ont été dupées par de faux policiers. Un phénomène qui est en constante augmentation. Les services juridiques de la police ont donc préparé un projet de loi destiné à interdire la vente d'uniformes de police. Ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur le site eBay. De cette manière, les vêtements peuvent tomber entre les mains de criminels. Et je vous rappelle que le port d'un faux uniforme est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, l'annonce de l'adoption par l'Italie d'un plan de rigueur draconien a été marquée par deux événements plutôt insolites. Une ministre a fondu en larmes en annonçant des sacrifices pour les retraités et le Premier ministre Mario Monti a décidé de renoncer à son salaire. Et puis enfin en sport, football en 16e journée de championnat, Anderlecht Oude Heverlee-Louvain 0-0 et puis le Standard La Gantoise, pareil, 0-0. Au classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de La Gantoise et du FC Bruges. Le Standard est quatrième. Et puis une fois n'est pas coutume, un mot de hockey, vainqueur 4-3 de l'Inde en finale de Champions Challenge de hockey. La Belgique jouera le Champions Trophy en 2012, réservé, tenez-vous bien, au top 8 mondial. Quand même, 8h05 sur Fun Radio, vous pouvez voir la magnifique bague de fiançailles de Julie offerte par Toff pour la demande en mariage il y a quelques minutes. De quoi ? Je l'ai tweeté immédiatement. Mais oui, vous pouvez voir ça sur le Facebook, facebook.com/emmikaelofficiel ou pareil sur le Twitter. C'est la météo maintenant, magnifique météo d'ailleurs. Oui, la matinée débute sous les averses qui prendront sur les reliefs ardennais un caractère hivernal, donc ce qui veut dire grêle et neige mêlée à de la pluie, donc sous ça c'est fort sympathique. Rafale de vent en prime, température cet après-midi de 4 à 7 degrés, demain petite accalmie mais température toujours aussi fraîche. Exactement, 8h05, dans un instant le remboursement de vos factures. Je vous rappelle que ce n'est pas tombé à 7h10, ce qui veut dire qu'on ne va sélectionner que ceux qui s'inscriront et qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Résultat, il vous reste 5 minutes. Je vous explique en détail comment faire dans un instant. Fun Radio. Fun Radio. Le remboursement des factures sur Fun Radio, eh bien, c'est dans 3 minutes que ça va se passer après le son de Rihanna. Pour ce faire, c'est facile. Inscription 6322, vous connaissez le principe. C'est 1 euro le message. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Là, il y a quoi? 20 euros pour la recharge téléphone, 89,99 € pour une tablette numérique tactile. Bah, donc, c'est pas cher, hein, pour ce prix-là. Qu'est-ce qu'il y a également? 52,90 € pour le jeu Battlefield 3. Il y a également 100 € pour le plombier, 51 € pour Electrabel, 86,13 € pour un achat pour vivre chez Champion, d'accord, ok. 150 € pour Saint-Nicolas également. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle dans quelques instants pour vous rembourser votre facture cash, vous envoyez votre message au 6322 avec le montant et l'objet de la facture et peut-être qu'on vous appellera d'ici quelques instants, d'ici 3-4 minutes grand maximum pour vous rembourser votre facture. Bonne chance tout le monde. Bon, d'abord, c'est l'info en plus. Maintenant, avec Julie, quelle est l'info en plus? Bien, moi, j'ai une petite question pour Toff parce qu'à mon avis, il doit savoir de quoi je parle quand je parle de daydreaming. Évidemment, je dégère tous les matins. Donc tu sais que le dégering est un style de danse où les couples simulent l'acte sexuel dans diverses positions. Évidemment. Et tout ça au rythme de la musique. Mais oui. Mais j'en étais sûre. Eh bien écoute, sache que je pratique moi-même tous les week-ends. Tout tout comme les Jamaïcains qui ont succombé au charme de la danse érotique, donc le daydreaming. Mais le problème, c'est que cet engouement provoquerait une multiplication des fractures du pénis dans le pays. Forcément, il y a un moment, si tu rates ton atterrissage, ça peut être dangereux. Beaucoup de couples en Jamaïque semblent s'adonner à cette danse érotique dans la chambre à coucher également, avec des conséquences désastreuses. Les médecins jamaïcains ont été invités à émettre un avertissement sur les dangers du daydreaming. Ah oui, le nombre de cas de pénis fracturé aurait quand même triplé l'année dernière. Tu m'étonnes. Ah, si je peux vous recommander pénis fracturé dans Google Images. Non, ça va aller. Je pense que de bon matin, vous pouvez passer une bonne journée. Bon appétit si vous prenez le petit déj en même temps. Et en plus, le gouvernement en Jamaïque veut également interdire les chansons et vidéos à caractère ouvertement sexuel. Donc ils prennent quand même ça très très au sérieux. Effectivement. Parce que la chirurgie pour remettre un pénis droit, c'est compliqué. C'est difficile. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Et puis c'est surtout la période d'abstinence. Alors pour ces mecs-là qui sont hyper sexuels, ils doivent s'arrêter, c'est normal. Bon, dans un instant, remboursement des factures sur Fun Radio 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on écoute Rihanna maintenant et Calvin Harris. C'est We Found Love. Bon réveil, il est 8h08. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, Fun Radio paye vos factures chaque matin sur Fun Radio pour avoir une chance de vous faire rembourser vos factures. C'est un jeu d'enfant. Il suffit, tout simplement de nous envoyer un petit message au 6322 avec tout simplement le mot facture en début de message. Et ensuite, vous envoyez tout simplement le montant et l'objet de la facture. Si on vous appelle et que vous décrochez, évidemment, c'est la base, et qu'en plus de ça, vous répondez bien à la question que je vous pose, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, vous repartirez avec le montant intégral remboursé. Et on va appeler chez Virginie qui voulait qu'on lui rembourse 52,90€ pour un jeu. Bah justement, on parlait des jeux dangereux, tiens. Battlefield. C'est bon ça. Allez, attends, on fait ça l'écran. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui ? Oui, bonjour ! Excusez-moi de vous déranger, vous avez 5 minutes ? C'est nickel. Oh merde, déception totale. Je n'ai même pas pu poser la question, dis donc, quelle déception. Déception totale. Bon, Virginie, comment ça va? Ça va. Bon, je t'appelle pour te rembourser ta facture, là. C'est quoi? C'est pour le cadeau de Noël de ton copain ou c'est pour toi le jeu Battlefield 3? C'est un simple cadeau pour mon copain. Oh, mais t'auras pu le garder pour la Noël, comme ça au moins, hop, une pierre deux coups. Ouais, il aura autre chose. Oui, un gros câlin. Gâté, mais oui, quelle chance il a, monsieur, quand même. Bon, Virginie, on va t'offrir ça, il n'y a pas de problème. Et puis, écoute, si jamais pendant qu'il joue, t'as envie de passer un peu de temps avec Toff, n'hésite pas. Moi, je suis totalement disponible. Tu pourras jouer avec mon joystick. Ouais, super, merci, Toff. Facile, qu'est-ce que c'est facile. C'est horrible. Oh là là. Bon, Virginie, on te rembourse ta facture. Je te fais des gros bisous. Et puis, reste au standard, on va t'expliquer comment ça marche. Je t'embrasse. Au revoir. Salut, Virginie. Ciao à toi. Salut. Et on remet le couvert à 9h10 pour ceux qui. N'ont pas été tirés au sort, rassurez-vous. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Allez, dans un instant sur Fun Radio, c'est Ina qui arrive avec un momento. Restez sur Fun Radio, on revient avec l'horoscope justement après ça. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. 8h17 sur Fun Radio, c'est l'horoscope. Et c'est surtout. Oui, bien sûr. Oui, je suis là, effectivement, tous les matins. Je suis content que ça fasse plaisir à tout le monde. La devinette qui colle, je vous la rappelle avant de faire l'horoscope. Donc, son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il? Voilà, en général, on le met sur une carte, voilà. Je réfléchis un peu parce que j'ai peur de donner la réponse. Sur une carte, sur une enveloppe également, il coûte de plus en plus cher. Voilà, on peut en mettre plusieurs également quand on envoie très loin. Si vous avez la bonne réponse, 6322, des billets d'avion à la clé pour vous, qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio. Bonne chance. Et nous allons maintenant faire l'horoscope avec l'ami Doudou. Dites donc Doudou. Oui. Non, si vous voulez prendre des vacances, là, faut le dire. Ah, c'est vrai, je peux pas dire parce que comme vous offrez les billets là en ce moment. Non, Doudou, je dis que si vous voulez en prendre, on peut en parler. Ah oui. Et vous me laissez partir alors une petite semaine. Non, j'ai dit qu'on en parlerait, mais c'est tout. Après, vous ferez quand même l'horoscope. Ah oui, mais vous savez, mon avocat, il est encore là, il est pas parti. Ah, justement, on va pas perdre de temps. Alors, allez, les béliers. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Alors, rattrapez-moi tout ça aujourd'hui. Les taureaux. Votre métier demande toute votre attention, mais cela ne doit pas vous prendre tout votre temps libre. Et les gémeaux. Attention, vous courez le risque de vous surmener. Les cancers. Ouh là là là là là. Non, pas de ouh là. Ah, si, si, si, ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Mais c'est jamais une bonne période avec bah vous, oui. Doudou. Mais c'est pas vrai. Mais là, il faut faire preuve de patience. Peut-être que demain, ça ira mieux. Bah, peut-être. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein, mais oui. Les lions. Vous ressentez une agitation positive et vous portez maintenant votre intérêt sur des choses que vous avez ignorées jusqu'à présent. Allez. Et c'est une bonne chose. C'est vrai. Les vierges. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Les balances. La réussite ne vous tombe pas du ciel, mais le travail et des connaissances fondées en sont la base. Les scorpions. Vous avez oublié de faire un virement ? Cela pourrait vous causer des ennuis. Et oui, plus que vous ne le pensez d'ailleurs. Les sagittaires. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger vos tâches. Les capricornes. Vous avez des nerfs d'acier, c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent. Les verseaux. Ne vous laissez pas provoquer aujourd'hui. Des collègues mènent des intrigues et tentent de vous affaiblir professionnellement. Et puis les poissons. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier, tout ce que vous allez commencer sera couronné de succès. Bon, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. D'accord, dans une heure, dans deux heures, peut-être demain. Non, bah dans une heure et demain, effectivement. Ah oui, d'accord. Voilà. Dans un instant, la déclaration express sur Fun Radio. Et avant ça, c'est Tayo Cruz qu'on écoute maintenant avec Florida et c'est Hangover. 8h22 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Il y a Shana Paul qui arrive dans un instant. Ce sera She Doesn't Mind sur Fun Radio. Et puis ben vous, si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Et toujours la devinette qui colle évidemment. Son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il ? Il vous permet quoi qu'il en soit de partir avec des billets d'avion. Et grâce à lui, vous allez pouvoir envoyer une petite carte à vos proches pour dire ah ben regardez où je suis, c'est génial. Bon, évidemment, aujourd'hui, il a un peu été, même très, très. Oui, il a beaucoup été remplacé, évidemment, par un petit MMS. Mais voilà, on n'a plus besoin de lui puisque le MMS prend sa place aujourd'hui. Un petit peu confus, mes indices, non ? Oui, un petit peu, oui. Heureusement, maintenant, on va prendre un gagnant, j'imagine. Oui, on arrête de se prendre la tête parce que là, c'est de pire en pire. Ça va pas tarder, en tout cas, oui, ça va pas tarder. Voilà, si vous avez la bonne réponse, hein, il faut le coller pour que le truc arrive à bonne destination quand c'est pas en grève. Voilà, comme ça, vous savez maintenant. 63,22, c'est 1 euro le message, donc. Et puis, des billets d'avion qui sont à gagner sur Fun Radio d'ici quelques instants. Juste après Sean Paul, déclaration express. Et juste après Sean Paul, gagnant également des billets d'avion. Restez sur Fun Radio, c'est She Doesn't Mind maintenant sur Fun Radio. Sean Paul. 8h26 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Bon, malheureusement, la déclaration express est perturbée ce matin parce que l'homme a perdu sa voix tout à l'heure quand il a fait la chanson sur la politique. Donc, oui, ce service n'est pas disponible. Actuellement, veuillez essayer plus tard. C'est un très bon médecin d'ailleurs. Une médecin, bien sûr. Bon, nous avons Antonio qui est avec nous maintenant. Oh là là, Dandorlex qui va vite couper sa radio. Antonio, allô, allô. Ouais. Voilà. Je coupe. Bah, coupe là, c'est parfait. Comment vas-tu? Ouais. Ça va très bien, et vous? Eh ben écoute, ça va plutôt bien aussi, on est bien, on est tranquille. En plus on est dans toute festivité sur Fun Radio puisque Toff a demandé la main de Julie, elle a accepté, oui. Donc voilà, les photos à voir sur amical.fm, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On commence bien la semaine, qu'est-ce que tu veux? Ça va être une magnifique semaine de fête. Mais oui, bien sûr. Demain les you-you. Mais exactement, et puis les petites, comment on appelle ça, les dragées aussi, il va falloir envoyer à tout le monde. Bon alors Antonio, tu as la réponse, toi la vinette qui colle, je la répète, donc son droit est bien lucratif et présente divers tarifs. Il voyage à travers le monde entier et peut s'échanger sur les marchés. Qui est-il ? Le timbre. Eh oui, le timbre, effectivement, hein, tout à fait, bonne réponse. Eh bien, ce timbre qui te permet de repartir avec deux billets d'avion pour aller quelque part en Europe, tout ça, on va t'expliquer. Ça va être beau, ça va être magnifique, ça va être extraordinaire, tu verras, tu pars quand tu veux en tout cas. Antonio, tu vas partir avec qui ? Avec ma femme. D'accord, oui, parce que Julie est prise maintenant, c'est terminé. Hein. Elle n'est plus disponible sur le marché, hein, ça c'est terminé. Eh ben, il n'y a pas de souci. J'aime bien Antonio, je pars normalement avec ma femme. Oui, oui. Oui, on n'est pas sûr. Parce que des fois que ma maîtresse me fasse une scène, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais, je partirai avec ma femme. Ma maîtresse, elle est déjà occupée, donc. Ah, bah écoute. D'accord, ok. Bon, et eh ben écoute. C'est par défaut. Oui. Par dépit, il est parfait, lui, il est vraiment parfait. Elle va être contente. Bon, et bien Antonio, bravo à toi, tu restes au standard. On va prendre tes coordonnées, on va tout expliquer hors antenne, d'accord ? Ça va, ok, super. Salut à merci toi. Les gars. À bientôt. Salut Antonio. Merci, ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. Et puis nouveau billet d'avion aussi à gagner maintenant. Alors cette fois-ci, on va pas faire une devinette. On va faire un petit invité mystère là. À votre avis, qui chante cette magnifique chanson ? Écoutez-la bien. Il y a deux artistes à l'intérieur. si vous avez une idée, qui chante là? Si vous avez une idée, 63-22 avec la réponse. Quels sont les deux artistes planqués dans cette chanson-là pour deviner ça? Eh bien, bah écoutez bien, je vous le remets encore un coup. Si vous avez la bonne réponse, c'est un euro le message. Il y a des billets d'avion qui sont à gagner, donc bonne chance tout le monde. Chanson qui fait scandale, hein, faut le savoir. Ah bon, pourquoi encore? Non, parce que si j'explique ça, ah oui, je vais donner la réponse, après. Donc j'expliquerai après. Explication juste après. Il y aura dans un instant l'info. On passera aussi le son de Laurent Wery sur Fun Radio avec Hey Hey Hey. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Et à 8h29 sur Fun Radio, passons à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, cela fait maintenant plus de 12 heures qu'ils négocient. Les négociateurs sont toujours réunis à la Fondation Roi Baudouin. Ils ont commencé les discussions hier à 17h30. On ne connaît donc toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prêter serment chez le roi aujourd'hui, eh bien, ou demain. Et si on devait voter justement demain? La NVA continue sa progression en Flandre, tandis que le PS se maintient en Wallonie, alors que le MR perd des plumes. C'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. En Wallonie, le PS est en tête, le MR est deuxième mais subit un recul. Le FN gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart de Wever, la NVA, a encore grimpé. Et à Bruxelles, le PS reste numéro 1 dans la capitale, mais le MR paye cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Pas de tram à Bruxelles ce matin. Les conducteurs de la STIB sont en grève suite à un nouvel incident qui a touché la ligne 55 à Schaerbeek samedi soir. Un tram a été la cible d'un tir à balles réelles. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais pour les chauffeurs, trop, c'est trop. Cette ligne est constamment la cible d'agressions de ce type. Depuis plusieurs mois, la direction de la STIB a décidé de dévier la ligne pour l'instant. Seuls les trams du dépôt de Woluwe et d'Ixelles circulent ce matin. Le mouvement touche aussi plusieurs bus du dépôt de Delta. L'année dernière, 540 personnes ont été dupées par de faux policiers, un phénomène en forte augmentation. Les services juridiques de la police ont préparé un projet de loi destiné à interdire la vente d'uniformes de police. Bah oui, parce que ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur eBay. Bah, de cette manière, les vêtements peuvent évidemment tomber entre les mains de criminels. Je vous rappelle quand même que le port d'un faux uniforme est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, l'annonce de l'adoption par l'Italie d'un plan de rigueur draconien a été marquée par deux événements plutôt insolites. Une ministre a fondu en larmes en annonçant des sacrifices pour les retraités. Et puis le Premier ministre Mario Monti renonce à son salaire. Et puis enfin, sport, football en 16e journée de championnat. Hier, ça a été un peu la journée des matchs nuls. Anderlecht-Louvain 0-0, Standard-Lagontoise 0-0. Au classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de la Gantoise et du FC Bruges. Le Standard est quatrième. Et puis, pour terminer, une fois n'est pas coutume, un mot de hockey. Eh bien, vainqueur 4-3 de l'Inde en finale de Champions Challenge de hockey, la Belgique jouera donc le Champions Trophy en 2012, réservé, tenez-vous bien, au top 8 mondial. 8h32 sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant, Laurent Wery avec Hey Hey Hey. J'avais presque oublié le titre, dis donc. Et puis on va passer maintenant à la météo. Magnifique météo en perspective, du soleil, les Caraïbes, tout ça, on est bon là. Ou alors plutôt la Belgique, donc la matinée débute sous les averses qui prendront sur les reliefs ardennais un caractère hivernal, ce qui veut dire grêle et pluie mêlée à de la neige en plus. Hein, non mais on est bien total. Là. Rafale de vent en prime, température ce matin de 0 à 5 degrés, cet après-midi de 4 à 7 degrés. Demain, petite accalmie, mais température toujours aussi fraîche. Ah oui, on est bien bien en fait. Hein. Ah oui, on est très très bien. On est vachement taquet là. On est au top. C'est pas mal. Ah oui, vraiment. Ouais. Bon, 8h33 sur Fun Radio. Quelle est l'info en plus? Alors, souvent, on parle de ce fameux débat. Les jeux vidéo violents sont mauvais pour les jeunes. Ils peuvent devenir... Comme celui-là, quoi. Oui, c'est super violent. Ça. Bien violent. Hein. Ouais, ouais, ça, on se rappelle hein, des nombreux combats qu'on a joué avec. Quand il fallait vaincre le roi. Notre Game Boy. Tout à fait, exactement. C'est le fameux Game Boy qui est d'ailleurs, je pense, remis en vente, rien que pour rire pour l'instant. Ouais, mais pour rire alors. Hein. Bon, alors, quand je reviens donc au fameux débat des jeux violents, eh bien, une équipe de chercheurs de l'Indiana qui étudie les effets de la violence des médias depuis plus de 10 ans, donc ils savent un peu de quoi ils parlent, eh bien, ils ont sorti une étude qui déclare que le cerveau des jeunes adultes ayant été confrontés à des jeux vidéo à caractère violent, eh bien, aurait changé de fonctionnement au bout d'une semaine seulement. Donc l'étude a été menée sur 22 jeunes âgés de 18 à 29 ans. Et bien l'étude a démontré l'existence d'une relation directe entre le fait de jouer à des jeux violents et la baisse de l'activité de certaines régions du cerveau, comme la région des émotions. Voilà, donc jouer à des jeux violents rend con. Rend agressif. Rend con surtout, et puis modifie le cerveau, ce qui fait quand même assez peur. Ah oui, ça c'est clair, effectivement. Ouais. Bon, ben voilà, donc continue. Moralité, jouer à Super Mario. Oui, voilà. Sur la Nintendo 8-bit, ce sera parfait moralité. Comme ça. Ouais. Ben oui, ouais, c'est vrai. Hein. Regarde, avec les petits bruitages et tout, là. On s'y croirait. On est au top. On était au top à l'époque. 8h34 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous repasse l'invité mystère, les invités mystères, pour repartir avec vos billets d'avion. Et on va écouter maintenant Laurent Wery sur Fun Radio, comme promis. C'est Hey, Hey, Hey. C'est Fun Radio, dans un petit instant, restez bien là car il y aura le son évidemment de LMFAO avec Sexy and I Know It. Et puis on cherche toujours évidemment notre invité mystère, nos invités mystères de ce matin. Ils sont de notre couple mystère. On proposait, qu'est-ce qu'on proposait? Où est-ce qu'il y avait là? Bruno Mars et Maria Carey. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. C'est un bon début. C'est un bon début, effectivement. Oui. Donc, si vous avez la bonne réponse, on proposait aussi Lady Gaga dans le lot, mais non, malheureusement, ce n'est pas elle. Alors, écoutez bien notre couple mystère. Comment? Bah, si, je suis dedans. Nous sommes trois. Ça fait un trio ce matin. Et quel trio? Ben oui. Si vous avez une idée, quels sont les deux chanteurs là, si vous avez la bonne réponse, sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura justement à gagner donc un voyage, hein, tout simplement, des billets d'avion qu'on vous offrira. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bonne chance, 63-22 avec la bonne réponse, c'est 1€ le message, des billets d'avion à gagner avant 9h30. Donc voilà, bonne chance. Je vous le remettrai tout à l'heure si je vois que vous galérez. Vous savez également que tous les soirs, dans la tribu, il y a évidemment Evan, il y a également Monsieur Milan et il y a également Julien Dorien. Et oui, Julien Dorien, c'est un grand reporter qui est toujours au top du top, qui est toujours là où il se passe quelque chose. Et Julien Derien, vous le retrouvez également tous les matins à 9h20 dans Mickaël à la radio. Julien Derien, notre envoyé spécial, est toujours sur le coup. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler d'informations plutôt insolites, Julien, c'est ça? Oui, je voulais vous parler de la fabuleuse histoire d'un garage américain. D'un garage? Mais je croyais que vous alliez parler de cette américaine, on avait dit un mot hors antenne tout à l'heure, de 45 ans, qui va avoir son 20e enfant. Oh. Oui, c'est ça, mais au 20e enfant, c'est plus une femme, c'est un garage à bite. Non, Julien, commencez pas sur ce terrain-là, quand même. Oh, la poésie. Oh là, la fraîcheur. Vous imaginez le nombre de kilomètres de sexe qu'elle a dû prendre pour avoir un gamin. Même en courant toute une vie, on les fera pas. Hein. C'est vraiment honteux, Julien, mais vous savez pas quoi dire, bordel. Je suis d'accord, c'est honteux. Vous pensez à ce qu'elle nous coûte en allocation familiale? Mais on parle de quelqu'un qui donne la vie, faut arrêter de tout ramener à l'argent systématiquement. C'est beau de donner la vie. Oui, vous avez raison. Il faut avoir une sacrée mémoire pour retenir les prénoms. Hein. J'imagine bien la mère, c'est. Dis-moi, Kevin. Non, attends, le moche, c'est qui? Ah oui, toi, c'est Brian. Dis-moi, t'as appris tes tables de multiplication? Quoi? T'es déjà en cinquième? Ah non, mais laisse tomber, je te confonds avec Steve, désolé. Je suis même sûr qu'elle a des gamins qu'elle a jamais vus. Bon, là, je veux bien vous croire, parce que sur 20, effectivement, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Mais l'avantage, c'est que si elle a un problème ou une maladie au niveau de l'utérus, elle n'a pas besoin de caméra, tu regardes directement par le trou. Il y a un sacré écho là-dedans. Allez, ça recommence. Faut toujours qu'il dérive, Julien, c'est incroyable. Mais ça plaît bien à Noémie. Hein. Toujours. Toujours. Allez, on arrête. Merci, Julien. De rien. Eh oui, Julien qui sera de retour, évidemment. Julien de rien ce soir dès 17h dans la tribu avec Evan et toute la clique. C'est à 17h toujours que glamour. Ça se passe. Toujours glamour, évidemment. Vous connaissez le principe. C'est son charme. Mais bien sûr. Toujours le petit mot classe. Il est 8h40 sur Fun Radio. On proposait également. Attends, où est-ce qu'il est? C'est Maria Carey et Christina Aguilera. C'est Adriano de Wavre. Ah non, c'est un homme qui chante. Enfin, il est plus jeune. Enfin, il a pas encore mué. Il y a un homme et une femme, ouais. Ouais, il y a un homme et une femme, mais bon, il y a un petit garçon avec une femme. Un petit garçon, enfin, n'exagère pas non plus maintenant, mais bon, on proposait Selena Gomez également et Maria Carey. Non, c'est un garçon, voilà. La bonne réponse au 63-22, 3322. Bonne chance. I'm sexy and I know it. Et une chanson dans un instant, faite pour moi, n'est-ce pas? Sexy and I know it. Ne bougez pas. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Nickel à la radio, reviens juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. 8h45 sur Fun Radio, bon réveil. C'est lundi le 5 décembre ce matin. Demain, c'est la Saint-Nicolas et demain, Julie va venir avec plein de spéculoos, des petites mandarines, tout ça, ça va être génial. On attend avec impatience. Sinon, accident sur la N25 à hauteur de Cours-Saint-Etienne en direction de Corroy-le-Grand. La chaussée est partiellement obstruée au kilomètre 27.7. Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem en direction de Waterloo. La première et deuxième bande fermée au kilomètre 31. D'accord, donc je disais, donc Julie viendra demain avec spécial Saint-Nicolas, des spéculoos et tout ça, ça va être génial. Oh, c'est beau de rêver, Michel. Ah non, mais c'est bien, c'est très, bien. Très non, mais c'est ça qui va être cool, non, tu vois. C'est ça qui est bien d'avoir de l'espoir comme mais ça. Oui, peu c'est importe ça. Les jours passent et tu as de l'espoir. Mais et ça, oui, c'est mais beau. Écoute, on espère. 8h45, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, signalez-le nous également. Hein, c'est ce qu'on appelle la fun solidarité. Vous envoyez votre message au 3044 ou alors sur mon mail au mikl@funradio.be si vous êtes coincé dans un bouchon. Allez-y, 8h46. Sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On écoutera Katy Perry tout à l'heure avant 9h du mat. On va faire la ligne anti-relou également. Et puis une chanson taillée pour moi. Je remercie d'ailleurs LMFAO, Sexy and I Know It. Merci Julie de le confirmer. Qui ne dit mot consent. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. 8h48 sur Fun Radio et c'est l'heure maintenant d'écouter les messages laissés sur la ligne anti-relou. Ligne anti-relou qui fonctionne pour vous, qui est faite pour vous. Il faut simplement retenir le numéro de téléphone par cœur, hein, pas très compliqué dans l'absolu. Vous faites le 0 473 86 00 13. Enfin, vous ne le faites pas surtout, mais par contre, vous donnez ce numéro à tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit des mecs qui viennent vous draguer ou des filles, que ce soit également peut-être, je sais pas, un collègue un peu relou, un copain un peu relou, un prof, un patron, n'importe qui. Vous donnez ce numéro 0 473 86 00 13 et ça peut finir comme ça par exemple. Bonjour, voilà, je me permets de vous appeler parce que j'ai trouvé ce numéro de téléphone dans la poche de mon mari. Si c'est une petite salope, je te jure qu'un jour ou l'autre je te trouverai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. Un jour ou l'autre je te trouverai. Je te promets que je te ferai la paix. Ciao. C'est sympa, dis donc. Bah déjà le mec il a pas eu de chance parce qu'il s'est fait avoir en l'occurrence avec une autre meuf et en plus de ça il a pas eu deuxième fois pas de chance puisque sa meuf est tombée dessus. C'est vraiment ballot quoi. Enfin comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Dimitri, écoute, on a passé une excellente soirée et je t'appelais pour te dire que j'espère que par contre pour le préservatif qui a cassé que ça va pas recommencer parce que franchement ça craint, j'ai trop peur. Bisous Dimitri. Oui, bah surtout que là pour le coup Dimitri va bien te laisser toute seule si jamais t'es enceinte par exemple. Hein. Oh là parce que là t'arriveras pas à le joindre puisqu'il t'a donné le numéro de la ligne anti-relou. Donc bon courage hein. Allez, non, dernier message. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Julie. C'est la vie, c'est la vie. Garde, toi t'as bien décidé de te marier avec Tov. Bon bah elle a décidé de. J'ai déjà un amoureux que j'aime. Ça a été accepté, les photos et la vidéo qui seront à regarder sur amical.fm. Photos déjà disponibles. Donc allez-y, regardez, laissez vos commentaires. Allez, dernier message. Oui, coucou. Bah oui, mais tu ne décroches pas. Ah non. T'as envoyé un message, tu devais te sonner. Bah oui. Bah bon, bonne nuit alors. Et une autre fois. Bah oui, bonne nuit et une autre fois. Alors on fait ça comme ça alors. Voilà, la ligne anti-relou qui revient demain dès 6h sur Fun Radio. Il est 8h50, bon réveil tout le monde. Dans un instant on fait chier le monde comme d'hab. Et Katy Perry maintenant sur Fun Radio, 8h50. 8h53 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio et on va vous rembourser vos factures aussi dans un instant. Si vous voulez qu'on vous appelle pour vous rembourser vos factures, sachez que ça se passera dans moins de 20 minutes, un quart d'heure pour être précis. Inscription au 6322, vous débutez le message simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Sachez également qu'il y a des billets d'avion à gagner, pour ça il faut découvrir notre couple mystère. C'est un garçon ou une fille? Le garçon est très très jeune. Il y a du talent derrière tout ça, non? Je parle ma voix. Hein. Ah pardon. Oui. Moi je sais plus comment te le dire. Bah, proposer Justin Bieber et Rihanna. Ah non? Et voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Bon, allez, depuis tout à l'heure, Toff essaye de se marier. Enfin, Julie a dit oui, mais enfin, bah oui, il aimerait bien avoir quand même une deuxième. Vous savez pas ouvrir vos oreilles, j'ai dit non. Oui, ça veut dire une bonne nouvelle, ça veut dire que le cœur de Toff est encore à prendre. Non, mais tout le monde sait que quand une femme dit oui, elle pense non. Quand elle dit non, elle pense oui. Donc, c'est connu ça. Hein. Mais oui, c'est parce qu'à la radio, tu osais pas dire la vérité. C'est ça, exactement. Mais j'ai un amoureux que j'aime déjà. Et ce n'est pas toi, Toff. Par contre, la place est libre pour les autres filles qui nous écoutent. Donc, allez-y, envoyez un petit mail à toff@funradio.be. C'est vrai. Bon, si vous avez deviné notre invité mystère, notre couple mystère, 63-22 avec la bonne réponse. Et il y a des billets d'avion à gagner. Bonne chance. Bon, donc, on va téléphoner. Donc, tu essayes de trouver l'âme sœur. L'âme sœur, en fait. Bah, c'est-à-dire que non, c'est Elodie Gossuin qui m'a donné envie. Donc oui, au Téléthon. Au Téléthon, et donc elle s'est fait draguer par un mec qui était là, un black qui était là. Et donc je me suis dit, si lui il peut y arriver, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Voilà, donc du coup on a essayé, on a appelé à plein d'endroits déjà, et ça a été un échec à chaque fois. Hélas. Bizarrement. Voilà, sauf avec Julie. Et donc là on va quand même appeler, on va appeler à Neuchâtel. Ouais, maintenant. Hein. Okay. C'est parti, appelons à Neuchâtel maintenant pour voir si effectivement tu vas réussir à trouver l'âme sœur. Hein. Donc allez, c'est parti, on y va, on appelle. Aussi rapide que tout à l'heure. Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, je voulais vous le dire du fond du cœur, je vous aime. Et voulez-vous m'épouser? Qu'est-ce qu'elle n'entend rien? Encore? Je voulais vous demander si vous vouliez m'épouser. Ben oui, mais écoutez, pourquoi? Ben, parce que je vous aime. Pour m'aimer. Mais qui êtes-vous ? Je suis Toff. Et voilà, j'ai envie de faire ma vie avec vous. Alors voilà, je vous le demande sincèrement du fond du cœur. Voulez-vous m'épouser ? Ça va pas la tête, j'ai 76 ans. Mais justement, c'est le bon moment. Non, allez, ça va. Allez, ça va. Bon, c'est un échec. 76 ans, c'est parfait, c'est une tranche d'âge que tu préfères. Ah ouais, c'est parfait. Très, très bien. Bah, c'est surtout la tranche d'âge où. Oui, c'est bon, t'as compris. Oui. Allez, on va rappeler encore un coup quand même. Hein. Voilà. Allez, en tout cas, le mariage ne sera pas bien long. Quoique, ça peut aller jusqu'à 100 ans, hein. Même plus. J'espère qu'elle est riche en moi. Oui, c'est le bon moment pour l'héritage si vous avez 76 ans. Vous voyez, j'aurai juste le temps de. Voilà, on se marie et puis moi je profiterai de l'héritage. Eh ben voilà, la bien fait, t'as raccrochonné, tu avais bien fait. Là, pour le coup, elle a pas apprécié. Non, elle a pas trouvé ça drôle. Mais tu m'étonnes qu'elle ait pas trouvé ça drôle, tiens. Je comprends pas. Ouais, c'est ça, ouais. Étrange. Bon, OJ, on écoute Friday Night maintenant sur Fun Radio à 8h56. Bon réveil. 8h59 sur Fun Radio, il y aura T-Pain dans un instant avec Wiz Khalifa et 5 O'Clock. Et puis bah, l'info, Julie va débarquer d'ici quelques instants aussi, comme d'habitude, avec les factures qu'on va vous rembourser aussi. Ça se passera dans 10 minutes. Alors attention, si vous voulez vous faire rembourser votre facture, sachez que c'est la dernière chance pour ce matin en tout cas. Il y a 79€ là, par exemple, une montre pour l'anniversaire de mon fils Antoine, 80€ pour Mobistar, 99€ pour le GSM, 30€ pour une consultation dentaire, 63€ pour le vétérinaire du chien. Oh. Il s'appelle White and Bu. Enfin, après, il manque peut-être la fin du message, malheureusement. Parce que White and Bu pour un chien, c'est quand même. C'est bizarre. C'est quand même bizarre, effectivement. Voilà, 63-22, si vous voulez qu'on vous appelle dans 10 minutes, même pas, pour vous rembourser votre facture. Bonne chance, 63-22, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. 8h59, et comme promis, c'est T-Pain qui arrive dans un instant avec Wiz Khalifa. Avec 5 O'Clock, et l'info de Julie arrive dans 10 secondes. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun. 9h ce matin, bienvenue tout le monde, c'est lundi le 5 décembre et c'est l'info maintenant avec July. Bonjour à tous, cela fait maintenant plus de 12 heures qu'ils négocient. Les négociateurs et le formateur Elio Di Rupo ont commencé les discussions hier à 17h30 et on ne connaît toujours pas la composition du gouvernement. Les ministres devraient prêter serment chez le roi aujourd'hui ou demain. Et si on devait voter justement demain, les deux grands gagnants des élections de juin 2010, la NVA et le PS, resteraient les favoris alors que le MR perd des plus plume. C'est le résultat du grand baromètre Ipsos réalisé auprès de 2000 Belges. En Wallonie, le PS est donc en tête. Le MR est le deuxième parti sollicité. Mais les libéraux subissent un recul. Le FN gagne des voix. En Flandre, le parti de Bart De Wever, la NVA, a encore grimpé. Et à Bruxelles, le PS reste numéro 1 dans la capitale. Le MR paye cher son divorce avec le FDF et fait une chute vertigineuse. Pas de tram à Bruxelles ce matin. Les conducteurs de la STIB sont en grève suite à un nouvel incident qui a touché la ligne 55 à Skarbek samedi soir. Un tram a été la cible d'un tir à balles réelles. La vitre latérale de la cabine du conducteur a volé en éclats. Personne n'a heureusement été blessé. Mais pour les chauffeurs, trop, c'est trop. Cette ligne est constamment la cible d'agression. La direction de la STIB a décidé de dévier la ligne pour l'instant. Seuls les trams du dépôt de Woluwe circulent ce matin. Le mouvement touche aussi plusieurs dépôts de bus. L'année dernière, 549 personnes ont été dupées par de faux policiers. Un phénomène qui est en augmentation. Les services juridiques de la police ont préparé un projet de loi destiné à interdire la vente d'uniformes de police. Eh bien oui, ces derniers mois, des agents de police pensionnés ont mis en vente leur ancien uniforme sur eBay. De cette manière, bah oui, les vêtements peuvent tomber entre les mains de criminels. Je vous rappelle que le port d'un faux uniforme de police est déjà un délit punissable par la loi. À l'étranger, l'annonce de l'adoption par l'Italie d'un plan de rigueur draconien a été marquée par deux événements plutôt insolites. Une ministre a fondu en larmes en annonçant des sacrifices pour les retraités. Et le Premier ministre Mario Monti a décidé de renoncer à son salaire. Enfin, en sport, football, en 16e journée de championnat, eh bien dimanche aura été la journée des matchs nuls. Anderlecht Oud Heverlee 0-0, Standard La Gantoise 0-0 également. En classement, Anderlecht est toujours premier, suivi de La Gantoise et du FC Bruges. Le Standard est quatrième. Et puis pour terminer ces infos, une fois n'est pas coutume, un mot de hockey. Vainqueur 4-3 de l'Inde en finale du Champions Challenge de hockey. La Belgique jouera donc le Champions Trophy en 2012, réservé, tenez-vous bien, au top 8 mondial. 9h03 sur Fun Radio. Dans un petit instant, c'est T-Pain qui arrive avec Wiz Khalifa et Lily Allen. Ce sera 5 o'clock. Et puis bah c'est l'info maintenant avec l'info météo, bien évidemment, avec un magnifique... Cela dit, un magnifique temps sur Bruxelles, ciel est tout bleu. Ici, pas mal d'éclaircies encore, mais sinon pas mal d'averses ailleurs sur le pays, surtout sur les reliefs ardennais, plutôt à caractère hivernal, donc de la grêle et des la pluie mélangée à de la neige. Donc ça y est, on commence à rentrer un petit peu dans l'hiver là. Bah, il était temps. Un peu plus. Température de 0 à 5 degrés ce matin, de 4 à 7 degrés cet après-midi. Demain, petite accalmie, mais température toujours aussi fraîche. C'est ça. 9h03 sur Fun Radio, c'est dans un instant que ça va se passer. Nous allons vous rembourser vos factures. Je vous explique comment ça se passe dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Le remboursement de vos factures dans 4 minutes sur Fun Radio après le son de T-Pain qui va débarquer et la simplicité même pour vous faire rembourser vos factures. Un petit SMS au 6322. Vous débutez ce message simplement par facture avec tout simplement le montant de la facture et l'objet de la facture et on vous appelle pour vous la rembourser cash votre facture justement. 6322 code facture. Bonne chance tout le monde. Quelle est l'info en plus la dernière de ce matin? Alors le daydreaming, je vous en avais un petit peu parlé à vous, mais je rappelle pour les auditeurs, le daydreaming c'est un style de danse où les couples simulent l'acte sexuel dans certaines positions et au rythme de la musique. Donc des déhanchés parfois mais un oui, petit des peu trucs violents. Bien sexe. Le problème, c'est que les Jamaïcains ont complètement succombé au charme de cette danse érotique, le daydreaming. Problème aussi, c'est que l'engouement provoquerait une multiplication des fractures du pénis dans c'est ce sympa, pays. Ça, bah oui, beaucoup de couples s'adonnent à cette danse dans la chambre à coucher avec des conséquences donc désastreuses. Les médecins jamaïcains ont été même invités à émettre un avertissement sur les dangers du daydreaming. Le nombre de cas de pénis fracturés aurait quand même triplé l'année dernière. Et le gouvernement veut également interdire les chansons et vidéos à caractère ouvertement sexuel. Donc ils prennent le problème très très au sérieux. Ah oui, tu m'étonnes. Mais t'imagines après le mec. C'est-à-dire que si vous êtes un peu violent, effectivement, ça peut vite casser en deux. Donc faut quand même se méfier avec ce genre de conneries. Hein. Faites gaffe quoi. Oui, non, voilà. Mais c'est vrai, faites attention. Pratiquer le daydreaming, mais à petite dose. C'est dangering. Mais c'est oh. Exactement. Oh là là, énorme. Ah, j'y travaille depuis 6 heures ce matin. Hein. Attention. Oh, oui. Bon, allez, T-Pain, on écoute avec Wiz Khalifa et Lily Allen maintenant. C'est 5 o'clock sur Fun Radio. It's 5 o'clock in the morning. T-Pain à l'instant avec Wiz Khalifa et Lily Allen. Et je remercie l'auditeur qui nous a envoyé un petit message. Elle s'appelle Lily, elle sent mauvais le matin. C'est aussi une clé. Qui suis-je? Je répète. Elle s'appelle Lily, elle sent mauvais le matin. C'est aussi une clé. Qui suis-je? Voilà, voilà. Merci à lui de nous avoir envoyé cette petite devinette magnifique. Tous les matins, Fun Radio. Radio paye vos factures. Allez, parlons de choses sérieuses maintenant. Le remboursement de vos factures. C'est parti. Comme chaque matin, on tire au sort quelqu'un qui s'inscrit, hein, tout simplement, sur les SMS au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle tous les matins ceux qui s'inscrivent au 6322 en débutant le message par facture. Comme là, qu'est-ce qu'il y a également? 87,50€ pour des billets d'Eurostar. 80€ pour un excès de vitesse, c'est Florian. Ben, faut rouler moins vite, Florian. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a également? 80€ pour Mobistar, 99€ pour un GSM. On va prendre celui-là, tiens. Allez hop, là, c'est parti. C'est combien qu'on va rembourser? Tiens, je regarde. 79€ pour la montre pour l'anniversaire de mon fils. C'est signé Antoine. Allez hop, t'as vu, on rembourse des cadeaux ce matin. Mais oui, nous sommes bons. Allez, c'est parti. Ça depuis 4 mois quand même. Oui, mais là, c'est un cadeau qu'on rembourse. Ah oui. Tu vois, c'est ça l'esprit de Noël. On a déjà remboursé des cadeaux. Oui, bon, je sais, mais bon, là c'est l'esprit de Noël. Ah, c'est l'esprit de Noël. Mais oui. Je dirais plus l'esprit de Saint-Nicolas. Oui, aussi, si tu veux, oui. Bon, tout est mélangé maintenant, ça veut plus rien dire tout ça. 0. Oh merde! 9, 2, 5. Oh, bah, oh merde, j'ai le numéro moi. Bon. Non. Veuillez laisser un message. Bon, après c'est un message alors. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Bon, on va faire ça, tiens. Oui, bonjour, tu nous as appelé, enfin tu nous as envoyé un message surtout pour qu'on te rembourse ta facture. Malheureusement, tu n'as pas décroché, ce qui veut dire que bah malheureusement, on ne va pas rembourser ta facture et c'est bien malheureux. Oh. Donc bah oui, je suis assez déçu également, mais tant pis. En plus, c'était la facture pour rembourser la montre de ton fils Antoine là. Quelle déception totale quand même. Oh. Bah ouais. Bon bah Antoine, tu retentes ta chance quand tu veux en tout cas, il y a pas de problème et puis passe une bonne journée et puis une bonne semaine Antoine. À bientôt. 9h12 sur Fun Radio dans un instant. L'horoscope va arriver, on remet le couvert dès demain évidemment avec le remboursement des factures. Et ce qui arrive aussi, c'est Florida dans un instant avec Good Feeling sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 9h12. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio comme tous les matins, 7h15, 8h15 et 9h15. Il y aura Chris Brown et Pitbull dans un instant avec International Love. Bien, Doudou, vous avez été manifesté vendredi, vous, en fait? Ah, mais oui, contre l'État qui nous vole. Ah, mais vous êtes même pas belge, Doudou, je comprends pas. Et alors, c'est pas pour ça que je pourrais pas avoir le droit d'avoir de l'argent, hein? Vous êtes raciste, c'est pour ça. Mais non, Doudou, c'est pas ça. C'est juste que c'était une manifestation parce que l'État nous prend trop de taxes. Et vous en payez pas, vous. Oui, mais c'est pas grave, tant qu'il y a de la bière et des gens qui crient, moi je suis d'accord avec eux, hein, alors je vais les soutenir. Ah oui, bah évidemment, alors je me disais bien qu'il n'y avait pas que les revendications qui vous intéressaient. Bon allez, les béliers, l'horoscope, c'est parti Doudou. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire, rattrapez ça tout de suite. Les taureaux. Votre métier demande toute votre attention, mais cela ne doit pas vous prendre tout votre temps libre. Les gémeaux. Attention, vous courez le risque de vous surmener. Très bien, les cancers. Oh là là là là là là, ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Mais c'est jamais une bonne période avec vous. Ah non, c'est mais ça, oui, faites preuve de patience, peut-être que demain ça ira mieux. Qui sait, on ne sait jamais, sûr. Sur un malentendu. Oui, les lions. Vous ressentez une agitation positive et vous portez maintenant votre intérêt sur des choses dont vous ignoriez jusqu'à présent l'existence. Les vierges. Si vous continuez de vous surmener, vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Les balances. La réussite ne vous tombe pas du ciel, mais le travail et des connaissances fondées en sont la base. Les scorpions. Vous avez oublié de faire un virement? Cela pourrait vous causer des ennuis, même si vous ne le pensez pas. Les sagittaires. Prenez le temps de laisser libre cours à vos idées sans pour autant négliger vos tâches. Les capricornes. Vous avez des nerfs d'acier, c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent. Les verseaux. Ne vous laissez pas provoquer aujourd'hui. Des collègues mènent des intrigues et tentent de vous affaiblir professionnellement. Et puis les poissons pour terminer. Que ce soit sous le plan professionnel ou sous le plan financier, tout ce que vous allez commencer sera couronné de succès. Bon bah très bien, merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais d'accord, pas de problème. Allez, à demain Doudou, et puis attention, dernière chance pour vous de repartir avec vos billets d'avion ce matin. Si vous voulez partir avec vos billets d'avion, deux billets d'avion, il y en a déjà 4 qui sont tombés ce matin, eh bien il faut découvrir notre couple mystère. Quel est le couple mystère? Ça va. T'as vu, t'es pas esprit de Noël. Nous, on est contents, c'est l'esprit de Noël. Mais et ouais, tout, on chante. Fait la fête. Et toi, tu fais nous embêter tout le temps, là. C'est dingue, quand même. Voilà, je le remets donc. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si vous avez une idée, hein, quel est notre couple mystère. Vous envoyez votre réponse au 6322, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec vos billets d'avion. Bon, il y en a un des deux, donc c'est une fille, ça vous la connaissez évidemment, hein, Maria. Qui a donc eu des jumeaux. Exactement, et l'autre, oui. On a reçu son sosie il n'y a pas longtemps. Exactement, et il a coupé ses cheveux aussi il n'y a pas très longtemps non plus. Oh, et si, il est blindé. Non, hein. Ouais, mais enfin, voilà. Et il est blindé. Il est blindé. C'est Fun Radio, il est 9h23. Dans quelques instants, il y aura Lucas avec le self, comme chaque matin sur Fun Radio. C'est vous qui ferez la prog avec lui. Pour la faire, c'est simple, 3044 en débutant le message par self, ou alors sur son mail, lucas@funradio.be, ou encore sur le Twitter de Fun. Vous allez sur twitter.com et puis vous suivez Fun Radio tout simplement, et vous demanderez les titres que vous voudrez à Lucas jusqu'à 13h. Et puis en attendant, et bien vendredi, c'était les 10 ans de confessions intimes. Et oui, 10 ans d'insultes, 10 ans de psychodrames, mais 10 ans de plaisir également pour nous. Et forcément, pour les 10 ans, il y avait du très très lourd avec Georges et Nicole, qui par exemple, pour une fois, ne viennent pas du Nord. Je suis macho. Et les hommes, c'est normal qui domine la femme. Hein. Oui, c'est normal qui domine la femme, les hommes, mais c'est normal. Hein. Et au putain. Bon, oui, bien sûr, j'aimerais bien rencontrer ce jeune homme. Mais enfin, voilà, jeune homme. On sent qu'il te plaît en plus, hein. On sent que toi t'aimes bien les. Mais ah oui, c'est bien mon style. Mais oui, mais il est pas macho, la preuve. Une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça. Ah, tu peux les promener un peu. Oui. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que Georges se laisse monter la tête par ses collègues. C'est ça le problème. Moi, si ma femme me dit je joue pas au boulot ou quoi, allez, tu prends la porte, hein, tu vas faire de la couture, hein, tu vas broder, tu fais du repassage, elle fait comme elle veut. Moi, j'ai envie d'aller jouer au boulot, je vais jouer au boulot. On appelle ça des hommes. Bon, on appelle ça des hommes, voilà. Bon, et quand il rentre du café, enfin du bistrot, enfin si vous appelez ça comme vous voulez, c'est Karine Granval, donc la psy de Confessions Intimes, qui l'attend. Et là, il est, comment dire, bourré. Quand vous partez acheter des cigarettes à 4h et que vous rentrez à 22h et que vous passez pas un coup de fil pour lui dire là je suis en train de faire ça, ne m'attends pas ou quoi que ce soit, je peux comprendre qu'elle ne le vise pas très bien, vous êtes pas d'accord avec moi. Ouais, mais je savais que chier et tout. Donc il n'y a pas besoin que vous vous occupiez d'elle. Non, moi, c'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu mentir. Eh oui, ça pas mal. Donc rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attends, vous avez rigolé au-dessus, mais on entend la psy qui est pratiquement. Elle est sérieuse. Hein. Oui, aussi, mais elle arrive à tenir sans sérieux quand même. Hein. Voilà. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles confessions intimes. Mais avec grand plaisir, à la semaine prochaine, Marion. Gros bisous, Marion. Je suis impatient d'être la semaine prochaine, moi. Ah bah écoute, moi aussi. Déjà que ce soir, je suis très déçu parce qu'il n'y a plus la ferme. L'amour est aveugle. L'amour est dans le pré. Ah, voilà, oui, c'est ça. Je suis désolé. Ah ouais, je suis déçu. On a tout perdu là. On a tout perdu d'un coup là. Ouais, ah, je suis vraiment désolé. Très mal, hein. Vraiment, je suis très déçu, très déçu. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. Bon, nous avons Amaury qui est avec nous maintenant, 19 ans de Nivelles. Bonjour Amaury. Salut toute l'équipe. Vous allez bien? Eh ben, on va bien et toi? Ça va, ça va. Bon, bah tant mieux, Amaury. T'appelles de Nivelles, t'as 19 ans, toi. Tu fais quoi dans la vie? Rien. Rien, bah, c'est bien voilà. Aussi. C'est rien. Bah tiens. Et ce qui est bien, Amaury, c'est qu'on paye pour que tu puisses ne rien faire. Et ça, c'est beau. On sent les grilles, là. Ouais, bon, alors, Amaury, tu as découvert normalement nos invités mystères qui sont. Bah, je vais faire écouter, là. Qui est notre couple mystère? Maria Carey et Justin Bieber. Eh ben Maria Carey et Justin Bieber. Et comme tu ne fais rien dans ta vie, tu vas pouvoir partir en vacances gratuitement. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau, bravo. Et ça c'est beau, bravo Amaury. Et bien ouais, ben voilà, tu vas pouvoir partir. Donc ouais. On va te payer tes billets d'avion puisque c'est gagné. Il n'y a pas de problème Amaury. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, gros bisous Amaury. Gros bisous à vous et gros bisous à mes parents qui avaient trouvé la réponse aussi. Eh ben voilà, très bien. Oui. Bah écoute, bah on embrasse tout le monde alors, il n'y a pas de problème. Gros bisous à Maurice. Je crois que t'as oublié de faire une dédicace au forum. Oui. Oui, plutôt à la CAPAC, c'est eux qui. Ouais, et à Julie également, parce qu'elle participe aussi quand même à ce voyage. Petit hein, un petit peu je comme tout le monde. Travaille pour que tu puisses tout le monde à son maigre niveau. Du bon temps. C'est vrai. Allez, salut Amaury, reste au standard, d'accord? Salut. Salut, salut, ciao à toi. Eh ben voilà, comme ça c'est plié. Hein. Bon, on remet le couvert évidemment dès demain matin avec les devinettes qui collent et les invités mystères là pour repartir avec vos billets d'avion toute la semaine. C'est comme ça que ça se passe pour fêter les 20 ans de fun qu'on aura l'occasion d'ailleurs de fêter. Ça se passera, à Charleroi justement le 17 décembre. On aura l'occasion de vous inviter pour faire la fête tous ensemble. Il n'y a pas de problème. Bon, ben la bonne journée, Julie. Hein. Bah écoute, très bonne journée, Mickaël. Exactement. Bonne journée à Lobiatov également, pleine forme. Oui, hein. Retour demain au taquet. Et puis je rappelle également qu'on sera à Mons, en direct de Mons mercredi. Le but étant de remplir une mini Cooper. Donc. Une mini Cooper, voilà. Donc on vous attend nombreux. On sera où alors, Mons? Alors on sera par là, Mons. Voilà, bon, on vous mettra les infos sur le Facebook et on vous le dira dès demain. On vous attend nombreux pour tenter de relever le défi de remplir la mini Cooper qu'on aura reçu à prêter. Voilà. Donc on vous attendra nombreux et toutes les infos dès demain à partir de 6h. Qu'on soit 27 dans la mini. Ah, pour plus de 27. Pour battre leur corps. Ah, bah c'est pas gagné cette affaire. Hein. On va essayer. Bon, allez, gros bisous mais tout le monde, bonne journée. 27 mini-pouces, hein, pas oui, des 27 comme lobes. Hein. Oh ouais, prenez des lobes, des grands pas et tout des ça, vous allez voir, ça va être bien. Non, si on pouvait trouver un club de nains ou un truc comme ça, ouais, ça. Pour gagner un peu, ce serait pas mal. Hein. Des personnes de petite taille, toi, s'il te plaît. Ouais, midget. Bah ouais, c'est ça. Bon, allez, 9h28, dans un instant, c'est Lucas. Il y aura Jasmine à partir de 13h, Evan à 17h, et bien sûr, la libre antenne, c'est à partir de 20h avec Vince. Salut tout le monde, à demain, ciao. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar ! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Votre seule chance de gagner des billets d'avion toutes les heures. C'est d'écouter Mickaël à la radio tous les matins. Fun Radio. Allez, quoi. Trouvez la réponse à l'énigme de Mickaël. Et vous gagnerez peut-être vos billets d'avion mis en jeu chaque matin. Ouais, c'est pas vrai. Mais ça fait vos bêtises, hein. Pour remporter les prochains billets d'avion, rendez-vous demain dès 6h sur Fun Radio. Merci, Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est génial. Mickaël à la radio. La seule émission de Belgique à vous offrir des billets d'avion toutes les heures. Oh mon Dieu, oui, j'aime bien son... Ah non, de Dieu. Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor.